C'est quoi le sujet aujourd'hui ? Oh bah, tu pourrais éviter de parler à la bouche pleine. Non, mais j'ai crié peur. Vous êtes le 16 juin 2015 et vous êtes dans Podcast Science 223 et ce soir on parle de CRISPR. La mutagénèse qui croustille. Bonsoir à tous et bienvenue après cette merveilleuse intro. Donc d'abord, on va commencer par un tour de table parce que ce soir, il y a du monde autour de nous. Donc d'abord, les gens qui sont plus loin, nous avons Billy depuis une région secrète avec une identité secrète. Salut Billy. Salut. On a Robin depuis Paris avec Boson qui crie. Salut Robin. Salut, c'est ça. Tout va bien. Elle ne crie pas, elle gazouille. On a Pascal qui a quelques problèmes de micro et qui est là pour nous soutenir la chatroom, envoyer les images, faire des enregistrements de secours. Salut Pascal. Salut, et j'ai plus de problèmes de micro. Tout va bien, merveilleux. Et sinon, autour de notre table physique parisienne, nous avons Johan, donc pas depuis Baltimore. Salut Johan. Salut. Qui n'a pas de micro attitré, mais je vais lui prêter le mien, promis. On a Pierre. Salut Pierre. Le fameux Pierre Kerner, vous aurez reconnu de Strange Stuff and Funky Things et maintenant de Podcast Science aussi, parfois. Et puis donc notre invité ce soir, Vran ou Adrien, salut. Salut. Qui va donc nous parler de Pierre. De CRISPR. J'avais plus de chips, tu m'as pris pas au dépourvu là. Voilà, et du coup le programme de ce soir, c'est principalement ce que nous ont préparé les deux Zikoto là ce soir sur CRISPR. Et voilà, et donc je vais vous laisser la parole tout de suite. Alors, depuis 2012, dans les laboratoires de biologie, on entend beaucoup parler de CRISPR. Je vous préviens tout de suite que moi je prononce CRISPR et pas CRISPR. Donc, CRISPR, C-R-I-S-P-R, c'est un nouvel outil de biologie moléculaire qui ouvre la voie à la modification du patrimoine génétique in vivo. C'est-à-dire qu'en utilisant cette technique, on peut choisir une séquence d'ADN précise, un gène qui nous intéresse, et y introduire des modifications, des mutations. Et on peut faire ça pas seulement dans un tube, mais directement dans les cellules vivantes. Alors, des cellules, quel type de cellules, de quoi est-ce qu'on parle, de quels organismes? A priori, tous. Bactéries, levures, plantes, animaux, les chercheurs testent tout ce qui leur passe sous la main et jusqu'à présent, ça fonctionne presque à chaque fois. Le système a l'air pratiquement universel. Ça signifie que du plus petit unicellulaire jusqu'à des grosses bêtes comme nous, tout ce qui comporte de l'ADN est susceptible de voir ses gènes édités, modifiés ou corrigés. J'ai laissé volontairement un petit moment de silence pour que vous commenciez à sentir le poids de ce qui va arriver parce que les applications potentielles sont nombreuses et sont assez énormes. Pour la recherche fondamentale d'abord, mais aussi pour la médecine et pour l'industrie agroalimentaire qui a pris une longueur d'avance. Mais on devra en reparler un petit peu plus tard. Donc cet outil CRISPR, il amène avec lui des gros enjeux, financiers bien sûr, mais aussi humains. Modifier un génome, c'est pas quelque chose d'anecdotique, et si on envisage d'appliquer ça à nous-mêmes, à notre espèce, il va falloir se poser pas mal de questions. Des questions techniques d'abord, comment ça fonctionne, est-ce que c'est vraiment efficace, est-ce qu'il y a des risques ou des effets inattendus? Des questions éthiques aussi, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans les modifications? Si je modifie mon propre génome, ces modifications vont être transmises à mes enfants, potentiellement. Est-ce que c'est une décision qui est moralement juste, puisqu'on prend des décisions pour les générations qui nous suivent? Et on pourra aussi se poser des questions philosophiques, puisque modifier notre génome, ça modifie notre ADN, c'est un petit peu contrôler notre évolution. Et est-ce qu'un humain modifié, c'est encore un humain? À quel point est-ce qu'on peut modifier un génome humain? Est-il est toujours considéré qu'on est notre propre espèce? On est loin des paquets de chips, là, quand même. Hein. Ouais, il y a de l'enjeu, il y a de l'enjeu. Donc, j'espère que vous êtes bien installés, parce qu'on a un paquet de choses à dire. Mais avant de discuter de ce que sera le futur de l'espèce humaine, j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu sur les recherches qui ont mené à CRISPR, qu'on suive l'histoire, le scénario de la découverte, en fait. Parce que CRISPR, même si on le présente partout comme un outil nouveau, en fait c'est quelque chose qui existe depuis des années, des milliers, des millions, voire des milliards d'années. CRISPR, c'est pas du tout une invention humaine, c'est pas un outil synthétique qu'on a créé de toutes pièces dans un tube. CRISPR, c'est un mécanisme qui existait dans la nature bien avant qu'on s'y intéresse et qu'on a piqué à ses véritables inventeurs, les bactéries. Alors, la découverte. En 1987, une équipe japonaise qui travaillait sur la bactérie Escherichia coli, donc la bactérie intestinale qu'on connaît bien, a découvert un gène qu'ils ont nommé IAP. Ce gène, on s'en fiche un petit peu, en fait, il n'a pas vraiment d'importance dans notre histoire. Mais dans le cadre de leurs travaux, l'équipe de recherche a également séquencé des régions d'ADN qui se trouvent autour du gène IAP, en espérant y trouver des régions régulatrices, c'est-à-dire des séquences particulières d'ADN qu'on trouve généralement autour des gènes et qui déterminent où, quand et avec quelle intensité un gène doit être exprimé. Donc là, l'idée, c'est que, si je comprends bien, donc cette équipe a travaillé sur le gène IAP. Ouais. Elle a voulu voir ce qui se passait autour. Voilà, pour voir s'il y avait des gènes qui contrôlaient comment et à quel point le gène IAP était exprimé. Voilà. Ils ont analysé la séquence du gène, ils ont essayé de comprendre quelle pouvait être sa fonction, mais ils voulaient aussi savoir potentiellement qu'est-ce qui contrôle l'expression de IAP. Qu'est-ce qui fait qu'il est exprimé à tel moment ou pas de la vie de la bactérie. Donc ils ont regardé autour. C'est généralement là qu'on a les séquences régulatrices. Et quand on parle d'expression, on parle de quantité de protéines au final qui va être... Voilà. Qui va être généré et où un peu dans la cellule où ça va se faire. Voilà. Enfin là dans la cellule c'est chez la bactérie donc c'est forcément c'est un unicellulaire donc ouais. C'est toujours dans la même cellule. Mm-hmm. Mais oui si on peut transposer ça aussi chez des bestioles plus grosses, chez des multicellulaires. Et là en effet notamment chez les animaux il y a des séquences régulatrices qui déterminent aussi à quel endroit physiquement d'un organisme ou d'un embryon un gène va être exprimé. Mais oui là c'était vraiment pour essayer de savoir essayer de trouver des informations en plus sur ce gène, mais vraiment sur ce gène-là. Donc ils ont séquencé les régions qui étaient autour, et en faisant ça, ils ont observé des régions régulatrices, mais ils ont aussi observé des régions d'ADN d'un genre nouveau, avec une structure qui était jusque-là complètement inconnue. Plus précisément, ils ont observé des petits blocs d'ADN d'une trentaine de paires de bases. Quand je dis paires de bases, je parle des paires de nucléotides AT et CG qui composent l'ADN. Donc des petits blocs, tous avec la même séquence, et répétés plusieurs fois les uns derrière les autres. Mais entre ces blocs répétés, ils ont aussi trouvé d'autres blocs, un petit peu plus longs, et qui au contraire étaient tous différents. Donc des nouvelles régions d'ADN avec une architecture particulière, une succession de petites séquences identiques, des répétitions trop petites pour être des gènes, séparées les unes des autres par des séquences un peu plus longues et différentes, qu'on appelle les séparateurs. Donc on aurait séquences répétées, séparateurs, séquences répétées, séparateurs. Ok, d'accord. J'ai une petite remarque, moi. Tu dis que c'était un petit peu trop petit pour faire des gènes. Et tout à l'heure, au fait, tu disais aussi qu'il y avait autour des gènes, il y avait de l'ADN qui était donc des séquences. Des séquences voilà. Donc, ouais. À partir de quel à peu près nombre de séquences tu considères que tu as un gène ? C'est pas tellement une question de taille. Il y a des signes qui permettent de reconnaître si une séquence va être un gène, si elle va coder pour une protéine. Mais 30 paires de bases, c'est vraiment tout petit. Alors, il y a dans le code génétique, il y a ce qu'on appelle les codons, donc un triplet de nucléotides. Trois nucléotides, l'une derrière l'autre, vont former un codon qui va plus tard coder pour un acide aminé de la protéine. Une protéine a 10 acides aminés, parce que là, les séquences répétées et les séparateurs sont autour d'une trentaine de paires de bases. Ça ferait des toutes petites protéines, ça ferait même si c'était codant, on a des signes qui nous montrent que c'est pas codant. Mais même si c'était codant, ça ferait des choses beaucoup trop petites pour avoir vraiment une fonction. Donc il y avait tous ces indices-là qui montraient que c'était pas des gènes. On pouvait pas considérer que ça allait être de l'information comme on trouve dans des gènes classiques. Donc ils ont étudié leur gène IAP, ils ont identifié ces séquences qui étaient un petit peu plus loin, mais pour ce qui est de l'équipe japonaise, ils se sont arrêtés là, leur gène d'intérêt était séquencé, ils avaient terminé leur travail, et même si ces nouvelles séquences étaient un peu étranges, ils n'avaient pas vraiment idée de ce à quoi ça pouvait servir, donc ils n'ont pas continué sur le sujet. Et pendant pratiquement 15 ans après cette première description, il n'y a eu aucun article, zéro article publié sur le sujet, sur ces séquences bizarres. Puis au début des années 2000, la technologie de séquençage ADN avait déjà beaucoup progressé par rapport aux années 80. Donc oui, à l'époque, on pourrait se dire que cette équipe japonaise, ils ont juste séquencé un gène, c'est pas grand-chose. Pour nous, maintenant, à notre époque, ça paraît pas grand-chose. Mais à l'époque, c'était vraiment un gros boulot, c'est pour ça qu'ils se sont arrêtés là. Mais entre-temps, la technologie a beaucoup évolué. Maintenant, on peut séquencer à l'appel des génomes entiers. Et au début des années 2000, donc ça avait déjà pas mal avancé, des chercheurs ont découvert qu'il y avait beaucoup d'autres espèces de bactéries, pas seulement Escherichia coli, mais énormément, il y a genre 40% des espèces bactériennes qui possèdent des régions similaires à celles découvertes en 1987. Donc des régions avec une alternance de séquences répétées et de séparateurs uniques. Mais pour ce qui est des recherches à cette époque-là, dans les années 2000, toujours aucune information sur les fonctions potentielles. En 2002, ensuite, une équipe néerlandaise a trouvé autre chose. Ils ont vu qu'à proximité de ces séquences particulières, donc répétition plus séparateur, il y avait des gènes, là vraiment pour le coup, des séquences d'ADN qu'on pouvait reconnaître comme étant codantes, qui codaient des protéines, c'était vraiment des gènes. Et ces protéines, qui étaient codées par ces gènes, elles avaient toutes des fonctions relativement similaires, elles étaient toutes capables d'interagir avec l'ADN. Certaines d'entre elles, c'était des hélicases, donc hélicase de hélice, c'est des enzymes qui sont capables d'ouvrir la double hélice d'ADN. D'autres étaient des nucléases, donc des enzymes capables de couper l'ADN. Donc on a des séquences un petit peu bizarres et à proximité toujours des séquences codantes, des gènes qui codent des protéines capables d'interagir avec l'ADN. Donc voilà, ça c'était quasi systématique dans tous ces génomes de bactéries qu'on avait trouvés. Voilà. On trouvait les séquences cheloues, là, répétées et séparateurs, et ces gènes d'hélicase, de nucléase. Voilà. Donc en voyant que tout ce petit monde-là se retrouvait ensemble et qu'on trouvait ça dans de plus en plus de génomes bactériens, ils se sont dit qu'il fallait leur trouver un nom. Il fallait, fallait mettre un terme sur ce truc-là pour arrêter justement de faire comme ce qu'on vient de faire là, des séquences bizarres avec répétition, séparateur et des gènes associés à côté. Voilà. Donc ils ont donné des noms à tout ça. Alors les successions de blocs répétés et les séquences séparatrices, c'est devenu les Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Donc, super accent. Donc CRISPR, CRISPR. Ce qui, si on essaye de le traduire en français, donne à peu près des groupements d'éléments palindromiques courts, répétés et espacés de manière régulière. C'est GEPCREMR. Gepkremer. Gepkremer. Gepkremer. Voilà, on préfère... Préfère CRISPR, c'est mieux quand même. CRISPR. Et pour les gènes qu'ils trouvaient autour, qui codaient des hélicases et des nucléases, déjà ils ont identifié un paquet, pas moins de 45 familles différentes dans les différentes espèces de bactéries, et ils ont décidé de les appeler CAS, C-A-S, pour CRISPR Associated. Mais, donc là, on avait vu que c'était des séquences courantes, on avait mis un nom dessus, mais toujours aucune idée du processus biologique dans lequel elles pouvaient être impliquées. Il y en a comme il y a les gènes CAS, donc les gènes qui sont à proximité des séquences CRISPR, codent des protéines qui interagissent avec l'ADN, il y en a qui ont émis l'hypothèse que c'était un système de réparation de l'ADN. Mais c'était vraiment complètement une hypothèse un petit peu en l'air, qui n'était pas appuyée par des éléments matériels. Ensuite, donc là on était en 2002, en 2005, trois équipes de recherche ont publié presque simultanément des articles montrant que les séparateurs CRISPR, donc les séquences uniques qui séparent les blocs répétés, sont pas en fait faits d'ADN d'origine bactérienne, mais d'ADN viral. Donc si vous avez suivi l'épisode 220 de Podcast Science, donc, vous avez vu, j'ai fait mes devoirs quand même. moi j'ai suivi cet épisode, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Moi je l'ai écouté dans l'avion en venant ici. Donc si vous avez suivi l'épisode 220 sur les virus, vous savez que comme nous, les bactéries peuvent être infectées par des virus. Lorsque ça se produit, d'ailleurs lorsque les virus infectent des cellules de manière générale, que ce soit des bactéries ou pas, ça arrive que des fragments d'ADN viral, voire même des génomes viraux entiers, se retrouvent insérés dans le génome de la cellule hôte. C'est un processus qu'on appelle la transposition, je ne vais pas expliquer ça dans les détails, mais ça fait partie des stratégies d'infection virale et on est capable de reconnaître ça en analysant les séquences ADN. On peut trouver des espèces de séquences signatures qui nous disent que le morceau d'ADN qu'on voit là, c'est un morceau d'ADN viral. Ouais, il y a des traces en fait, en gros, puisque des années et des années d'évolution ont permis de séparer les virus des autres organismes, on est capable, juste en lisant l'ADN du virus, de reconnaître que ça appartient véritablement à un virus, voilà, et pas une bactérie. Il y a des séquences signatures qui nous montrent, tiens, ça, ce morceau d'ADN, il a été inséré dans le génome bactérien par un événement de transposition. Ça met déjà la puce à l'oreille que c'est un virus. Mais on a aussi une grosse base de données de génomes viraux qui ont été séquencés, qu'on connaît, et qu'on peut comparer avec les nouveaux fragments d'ADN qu'on trouve et identifier de quelle espèce virale ça vient. Donc tout ça, ça se passe in silico, hein, faut pas s'imaginer qu'on a besoin de séquencer. En gros, on a des bases de données dans lesquelles on a tous les génomes viraux à disposition. On rentre la séquence qu'on aimerait bien étudier et on compare. On peut comparer avec tous les génomes, que ce soit genre, l'éléphant, le cochon, la bactérie, etc. Et on obtient comme réponse quelle est la séquence qui ressemble le plus à ce qu'on vient d'envoyer comme requête de recherche. Voilà. Un peu comme Google, en fait. Et dans ce cas-là, du coup, c'est des virus. Voilà. C'était ça, les premiers résultats Google de ce qui a été fait. Voilà, on leur a dit ces petits blocs de un peu plus de 30 paires de bases qui sont entre les séquences répétées, donc tous les séparateurs. C'est pas des choses qu'on trouve normalement dans les génomes de bactéries, c'est vraiment, ça colle pile avec de l'ADN viral. Mais comme il y a ce phénomène de transposition, cette stratégie d'infection virale qui pousse les virus à intégrer des morceaux de leur propre ADN dans celui des bactéries, c'est pas hyper surprenant en fait. Trouver de l'ADN viral dans une cellule, bactérienne ou non, qui a été infectée, c'est assez courant, ça a pas surpris les chercheurs plus que ça. Mais avec CRISPR, c'était différent parce que les séquences détectées dans les bactéries qui possèdent un système CRISPR, c'est pas des gènes ou des génomes entiers, c'était vraiment des petits fragments, tout juste assez longs pour identifier la provenance, mais pas codants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est trop petit pour être des gènes. Donc, trop petit, juste assez long pour identifier d'où ils viennent, et aussi insérés dans des endroits précis, donc dans les régions CRISPR en tant que séparateur entre les séquences répétées, et nulle part d'autre. Donc, en voyant toutes ces particularités, les chercheurs ont compris que c'était pas arrivé là par transposition, mais qu'il y avait un autre mécanisme, inconnu, qui les avait intégrés dans les génomes bactériens. Et ils se sont demandé à quoi ça pouvait servir, si tant est que ça serve à quelque chose, parce qu'il y a énormément de matériel ADN dont on ne connaît pas la fonction et qui probablement n'en a pas vraiment. Donc ils se sont creusé la tête, ils se sont demandé à quoi ça sert pour une bactérie, est-ce que ça présente un avantage d'incorporer des minuscules séquences virales dans un génome, des séquences qui sont vraiment toutes petites, pour faire quoi que ce soit, à part dire « voilà un morceau d'ADN de virus ». Et ça a été le déclic. Le bon vieux, le Eureka d'Archimède, en fait, qui a fait émerger l'hypothèse que si les bactéries incorporent des morceaux d'ADN viral dans leur propre génome, peut-être qu'elles s'en servent pour reconnaître les virus. Et pourquoi pas pour s'en défendre. C'est un petit peu comme si les virus, comme si les bactéries volaient une carte de virus. Une carte d'identité de virus. Ouais. Voilà, elles leur volaient un petit morceau de leur identité qu'elles allaient ensuite utiliser pour les reconnaître. Donc peut-être que les séquences CRISPR et les gènes Cas forment un type particulier de système immunitaire bactérien. Alors là, dit comme ça, peut-être que ça ne peut pas vous impressionner, mais c'est sans précédent ça, d'envisager que des bactéries, c'est des organismes unicellulaires qui se divisent peut-être toutes les 30 minutes, etc., puissent avoir incorporé un système pour se défendre de virus, d'attaques virales. Un système immunitaire qui ressemble à notre système immunitaire, mais nous, on est des organismes multicellulaires qui produisons des anticorps pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, nouvelle hypothèse du système immunitaire. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils font, les chercheurs, avec les hypothèses? Ils les testent. Ils essayent de trouver des failles. Ils font des expériences pour essayer de les invalider, pour les casser, pour montrer qu'elles sont fausses. Et quand ils n'y arrivent pas, donc quand la méthode expérimentale n'arrive pas à invalider une hypothèse, on conclut qu'elle est probablement juste, ou en tout cas, dans l'état actuel de nos connaissances, on n'est pas capable de dire que cette hypothèse est fausse. Ou en tout cas, elle est suffisamment dure à plomber pour la présenter dans un papier, quoi. Voilà. Elle est robuste, comme on dit. Voilà. c'est la philosophie Karl Popper, c'est on ne peut jamais prouver qu'on a raison, on peut juste avoir une hypothèse qui résiste à la cassure. Alors, vous ne pouvez pas faire ça parce que vous vivez dans le monde réel, en maths, on peut y arriver, quoi. Voilà, donc dans le monde des virus et des bactéries, ça peut marcher comme ça. Donc ils ont eu cette hypothèse de CRISPR comme système immunitaire et voilà ce qu'ils ont fait pour la tester. Ils ont infecté des bactéries avec un virus nouveau qu'elles avaient jamais rencontré auparavant. Ensuite, ils ont comparé les séquences CRISPR de bactéries témoins qui n'avaient pas été infectées et les séquences CRISPR de bactéries qui avaient survécu à l'infection. Et ils ont vu que chez les bactéries survivantes, on trouvait des petits morceaux d'ADN du virus qu'ils avaient utilisé pour infecter. Plus précisément, les morceaux étaient insérés évidemment entre deux répétitions CRISPR en tant que séparateurs. Autre chose importante, les chercheurs ont observé que les bactéries survivantes et leurs descendants étaient devenues résistantes au virus. Alors très bien. Les expériences montrent qu'il y a apparemment bien un lien, une corrélation entre la présence de fragments d'ADN d'un virus dans les régions CRISPR et la résistance des bactéries à ce virus. Mais est-ce qu'on a un argument pour lier les deux éléments de manière causale? Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est la présence de l'ADN viral dans les régions CRISPR qui entraîne la résistance? Parce qu'après tout, ça peut être une coïncidence. Ça peut sonner bizarre comme ça, mais les artefacts bizarres quand on fait de la biologie expérimentale, c'est quasi systématique. On a toujours des trucs bizarres qui arrivent. Donc, il nous faut des expériences témoins. Il faut continuer à essayer de casser l'hypothèse. Il faut avoir le plus de contrôle possible. Pour s'en assurer, il faut aller sur les sites comme Spurious Correlations, où on voit des courbes, par exemple, toi, tu dois avoir des exemples. J'ai pas un exemple comme ça, à part peut-être l'exemple qui est en premier sur la page, mais peut-être préciser ce que c'est ce site, parce que c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on pourrait penser. C'est juste un site qui met des courbes où en abscisse et en ordonnée, enfin, en fait, non, même en abscisse et en ordonnée, on a des choses qui sont souvent différentes. Par contre, il présente deux courbes et il montre que la corrélation de ces courbes est très forte, c'est-à-dire qu'on voit des augmentations au même endroit et des diminutions au même endroit et souvent des réaugmentations au même endroit. Je crois qu'un des trucs, par exemple, c'est l'âge moyen des Miss États-Unis et le nombre de suicides aux États-Unis ou un truc comme ça. Ou la sortie des films de Nicolas Cage et les gens de suicide, noyés dans les comprend. Le nombre de suicides aux États-Unis et le nombre de dépenses militaires aux États-Unis, dit Johan, qu'on entend moyennement. Et ce site était très attendu par toute la communauté scientifique et enseignante pour montrer que corrélation et causalité, c'est deux choses différentes. Voilà, donc là, pour le moment, on n'a que ça. On n'a qu'une corrélation entre la présence d'ADN viral dans les régions CRISPR et le fait que les bactéries soient devenues résistantes. Donc pour tester s'il y a une causalité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modifié l'ADN des bactéries résistantes. Ils leur ont retiré le séparateur CRISPR qui correspondait au virus. Et là, ils se sont rendus compte que les bactéries étaient de nouveau vulnérables, qu'elles avaient perdu leur résistance. Donc ça y est, après tous ces efforts, les chercheurs ont démontré que CRISPR, le système CRISPR-Cas, peut bien agir comme un système immunitaire. Donc CRISPR-Cas, c'est les séquences et les enzymes et les associés. Gènes qui sont associés. Mais par quel mécanisme ? Comment est-ce que tout ça fonctionne du point de vue moléculaire ? Ça, on n'en avait encore aucune idée. C'était complètement un mystère. C'est là qu'interviennent deux laboratoires en particulier, celui de Jennifer Doudna de l'université de Berkeley en Californie et celui d'Emmanuel Charpentier, une directrice de recherche française, Cocorico. Ouais, pourquoi pas ? Qui a travaillé entre autres en Autriche, en Suède et aujourd'hui en Allemagne et pas en France, donc moins cocorico, cocorico hein, comme tu dis. Voilà, les chercheurs français sont très bons, mais sont loin. Mais ailleurs. Voilà, ils sont très bons quand on leur donne les moyens d'être très bons. Donc en faisant collaborer les deux équipes, donc Charpentier et Doudna, elles ont réussi à élucider une bonne partie du mécanisme moléculaire par lequel fonctionne le système. Et je vais essayer de vous faire un résumé un petit peu de leurs travaux. Donc, lorsqu'une bactérie qui possède un système CRISPR est infectée par un virus, des fragments de l'ADN de ce virus sont découpés. On présume, grâce à certaines des nucléases Cas, en particulier... on ne sait pas quels sont les Cas qui découpent le virus. En gros, là, il y a encore une partie du mystère, c'est que c'est un peu la question de l'œuf et la poule. On ne sait pas ce qui fait qu'il y a intégration... primaire, pardon, du virus à l'intérieur de la séquence de la bactérie. Ça, c'est encore un peu un mystère. Voilà. Je rappelle que la découverte de tout ça, tout ce que je suis en train de vous raconter là sur Doudna et Charpentier, c'est 2012. C'est super récent. Ouais. C'est un domaine de recherche qui s'ouvre, en fait. Donc, en plus de tous les enjeux des applications possibles, c'est aussi de la recherche fondamentale. On a envie de savoir comment ça fonctionne. Mais il y a beaucoup de boulot. C'est pas des choses qui se découvrent comme ça instantanément. Mmh. Donc, il y a des morceaux d'ADN viral qui sont découpés, on présume quand même grâce à des nucléases Cas, et qui sont incorporés dans les génomes de la bactérie en tant que séparateurs entre deux séquences répétées des régions CRISPR. Donc, et les ça, petites séquences répétées, il y avait séquences répétées, séparateurs, etc. Et donc, chaque séparateur serait intégré par une partie du système Cas. Voilà. Et pour ça, on sait que c'est essentiellement deux gènes Cas en particulier qui s'appellent Cas1 et Cas2. Voilà. D'accord. Ensuite, la bactérie peut utiliser les régions d'ADN CRISPR, donc les séquences répétées et les séparateurs ensemble, et les transcrire, c'est-à-dire en faire de l'ARN, faire une copie mais pas sous forme d'ADN, sous forme d'ARN. Je rappelle peut-être très rapidement, l'ARN, c'est un type de molécule qui sert le plus souvent à faire le messager, l'intermédiaire qui permet de transmettre l'information qui est contenu dans l'ADN pour fabriquer une protéine. Mais ici, les ARN CRISPR, ils ne peuvent pas servir à fabriquer des protéines. Ce n'est pas des séquences codantes. Ils servent à reconnaître les virus. Parce que, alors, grâce aux parties répétées de leur séquence, les ARN CRISPR peuvent être reconnus d'abord attrapée, enveloppée par un type particulier de protéine Cas, la Cas9. La partie qui correspond à l'ADN viral, quant à elle, elle va guider cette protéine Cas vers le virus et lui permettre de s'accrocher à son ADN à lui, à l'ADN du virus. Et une fois que c'est fait, cette protéine Cas9, qui est une nucléase, qui sait couper l'ADN, elle va faire son travail, elle va découper l'ADN du virus et le rendre, le casser en fait, le rendre incapable de se répliquer et d'infecter les bactéries. Donc voilà, vous vous en rendez compte, c'est un système un petit peu compliqué d'un point de vue moléculaire. On a des protéines Cas, on a des séquences d'ADN qui sont transcrites en ARN mais qui ne sont pas codantes. C'est un petit peu compliqué, mais ça a deux très gros avantages pour la bactérie. Alors attends, peut-être on va juste reprendre ce passage-là sur le fonctionnement du système Cas, ouais, avec CRISPR, parce que je pense, ouais, que ça va être fondamental pour toutes les explications plus tard, mm-hmm, et ça peut être nécessaire. Donc on a toute une partie de séquences répétées et séquences virales qui est transcrite en ARN. Ensuite, cet ARN va servir à la Cas9. Ouais, donc l'ARN, pour appuyer un petit peu là-dessus, ouais, c'est un petit morceau d'une molécule qui ressemble à de l'ADN, ouais, mais qui est flottant dans la cellule. C'est pas un gros chromosome, c'est pas un truc qui est difficile à bouger. C'est quelque chose qui peut être pris en charge. C'est pas une double hélice déjà là? Non, c'est pas une double hélice, ouais, voilà. C'est une plus petite molécule. Donc cette petite molécule, elle va être prise en charge, elle va être attrapée par une protéine, par une des Cas. Ouais. Il va y avoir un morceau de l'ARN qui va être dans la protéine Cas, qui, ouais, va être englobé, et un autre morceau qui va être plus flottant. Et ce morceau qui est flottant, alors peut-être que vous connaissez cette notion d'appariement des paires de bases ADN. Donc, c'est ça qui fait que les hélices, quand il y a une double hélice, c'est ça qui fait qu'il y ait des deux molécules d'ADN qui se collent entre elles, c'est qui ça? Qui sont collées, voilà, que les deux brins d'ADN restent soudés. Et on a cette complémentarité des paires de bases. On a toujours, si on a une paire de bases A sur un brin, on aura toujours un T en face. Et si on a une paire de bases C, on aura toujours un G en face. Mmh. Donc on a ce morceau d'ARN flottant qui est capable de faire ça, qui est capable de reconnaître des bases ADN. Et quand il va se trouver près du virus, bah, il va agir un petit peu comme un système de recherche aussi. Il va essayer de s'aligner. Il va voir si il reconnaît cette séquence-là, s'il arrive à s'y lier ou pas. Mmh. S'il n'arrive pas à s'y lier, bah, il continue de flotter dans la cellule, il bougera plus loin. Ouais. Et s'il arrive à s'accrocher, à ce moment-là, la protéine, la Cas9, qui est accrochée au morceau d'ADN lui-même, elle va à ce moment-là attraper l'ADN et le couper. Ouais. Donc, on a un système qui permet, on a une protéine qui est capable de couper l'ADN, et ça peut tuer des virus, et on a un ARN qui permet de le guider vers les bonnes cibles. Donc, un système pour tuer et un système de guidage. Simple. Donc, pour revenir sur les avantages que ça présente pour les bactéries, le premier, c'est qu'au fil du temps, à mesure que la bactérie est infectée par des nouveaux virus, elle va agrandir son répertoire CRISPR. Elle va, à chaque fois qu'elle va être infectée, incorporer un nouveau morceau d'ADN d'un nouveau virus dans ces séquences CRISPR. Donc elle va se constituer une sorte de fichier des infections passées et de fil en aiguille, elle va renforcer son système immunitaire. Elle va modifier son propre génome en fonction des menaces potentielles qui existent dans son environnement. Donc pour parler plus clairement, elle va s'adapter aux virus qui vivent dans son environnement. C'est un peu comme avoir une sorte de galerie d'affiches avec marqué Wanted, c'est virus les Wanted. Voilà. Et donc elle les reconnaît plus facilement après. Voilà, donc elle s'adapte, c'est pour ça qu'on parle de système immunitaire adaptatif. Nous aussi, nous humains, nous grosses bêtes, on a un système immunitaire adaptatif. D'ailleurs, c'est sur ça que repose le principe de la vaccination. Mais c'est un peu plus compliqué, ça fait intervenir plusieurs types cellulaires, et en particulier, ça fait intervenir les lymphocytes mémoire, qui sont des sortes... c'est des cellules vétérantes, en fait. C'est des vétérans de nos guerres immunitaires qui ont survécu aux infections passées, qui restent en vie pendant très longtemps, pendant des dizaines d'années dans notre corps, et qui préparent nos défenses au retour de l'ennemi infectieux. Ils entraînent en fait les autres lymphocytes. Ils leur montrent des fragments, ils disent « ça, tu vois, c'est l'antigène que j'ai connu ». Mais oui, c'est ça l'immunité, c'est la guerre. Donc on a ces lymphocytes mémoire qui restent dans nos centres immunitaires et qui vont montrer aux nouveaux lymphocytes, aux petits jeunes en formation, voilà à quoi ressemble le virus, voilà ce que tu dois combattre. Vas-y mon petit gars, prépare-toi, ça va venir. S'il revient, on sera prêt. Mais, comme je disais, c'est chez nous, notre système immunitaire adaptatif à nous, c'est plusieurs types de cellules. Ça repose sur plusieurs populations de lymphocytes. Mais pour les bactéries, c'est des organismes unicellulaires. Donc, elles peuvent pas avoir un système comme ça. Donc, c'est une seule cellule qui apprend à se défendre et qui, en plus, enregistre tout au niveau de son ADN. C'est-à-dire que, puisque c'est enregistré dans l'ADN, c'est transmis à la descendance. Une bactérifie comportera dans son génome le même répertoire CRISPR que sa mère. Elle sera prête dès la naissance à se défendre contre les mêmes infections qu'a connues sa mère, et elle pourra à son tour enrichir le répertoire CRISPR au cours de ses propres rencontres avec des nouveaux virus. Ça, même nous, on n'est pas capable de le faire. Ça nous permettrait de ne pas avoir de vaccination. Voilà. C'est pas parce que vos parents ont été vaccinés contre le tétanos que vous, à la naissance, vous serez résistant au tétanos. Votre immunité adaptative, vous ne l'héritez pas de vos parents, vous êtes obligé de la construire vous-même. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel on est moins calé que des bactéries. C'est peut-être un petit message pour les gens qui croient en l'échelle des êtres et ces choses-là. Il y a des choses que les bactéries savent faire que nous, on ne sait pas faire. Nous, on ne peut pas hériter notre système immunitaire adaptatif. Mais pourtant, c'est nous que Dieu a choisi. Je ne comprends pas. C'est vrai, oui. Ça, j'ai jamais oublié ce détail. Il n'y a pas, de Jésus bactérie, je ne comprends pas. Donc, système immunitaire adaptatif et système immunitaire qui s'hérite, qui est hérité par la descendance. Donc là, biologiste de l'évolution, ça me donne envie de faire une petite parenthèse parce qu'il y a une personne... Il y a un pionnier français, encore une fois, de l'étude de l'évolution dont on a beaucoup déformé les idées, qu'on a longtemps décrié, qu'on a humilié, même jusque dans son éloge funèbre. Peut-être qu'il y a des gens qui commencent déjà à comprendre de qui je parle. Quelqu'un à qui on doit des excuses. Donc cet homme, c'est Jean-Baptiste Lamarck. Celui que vous connaissez sans doute comme ce type bizarre qui pensait que les girafes, elles tirent sur leur cou. Et que c'est transmis à leur descendance, et que c'est comme ça qu'on a eu des girafes. T'arrives même pas à le dire sans te foutre de sa gueule, quand même. Ben oui, c'est devenu tellement... Alors que lui, il a même pas dit ça. Alors que c'était même pas, ça faisait même pas partie de sa théorie. Tout ça, c'est Cuvier et compagnie qui ont voulu lui mettre la honte, parce qu'ils l'aimaient pas. Il a quand même parlé de fluide vital qui permettait de... C'était l'époque. Ouais, bon, d'accord. C'était l'époque. On connaissait pas grand-chose. Donc, vous connaissez sûrement cette histoire de girafe qui tire son cou. C'est pratiquement tout ce qu'on connaît. Non ? De girafe qui tire son cou, ça dépend. Si c'est un épisode de Dirty Biology, oui, mais... Alors, je rappelle l'histoire, peut-être. Non, donc, ce que Lamarck a introduit comme idée, c'est déjà, pour rendre à César ce qui appartient à César. C'est un des premiers à avoir introduit l'idée que l'existence d'un processus évolutif, l'existence d'un mécanisme d'évolution, du changement de certains caractères d'une génération d'organismes à une autre, était en fait nécessaire pour expliquer la diversité des formes de vie qu'on connaît, qu'on observe sur notre planète. Donc c'est un des premiers à avoir dit qu'on avait besoin d'une théorie de l'évolution. Mais à l'époque, on ne connaissait pas grand-chose, on ne connaissait pas les gènes, on ne connaissait pas l'ADN. Personne ne savait quel pourrait être le support physique, biologique de l'hérédité, des changements de caractère, ni où et comment ils pouvaient survenir. Donc, des gens proposaient des théories, et ce que proposait Lamarck, la théorie de Lamarck, c'était celle de l'hérédité des caractères acquis. L'idée qu'au cours de leur vie, les individus subissent des modifications dans leur propre corps, en fonction des événements qu'ils vivent, en fonction de leur environnement, et que ces modifications sont transmises, d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas, on ne connaît pas le mécanisme, à leur descendance. Cette théorie, déjà à l'époque, elle était décriée, ou dans le meilleur des cas, ignorée, et par la suite, il y a eu évidemment beaucoup d'autres chercheurs, beaucoup d'autres travaux. Il y a eu ceux de Darwin sur la sélection naturelle, ceux de Gregor Mendel, de Watson, Crick et Rosalinda Franklin, et une foule d'autres sur la transmission des caractères, sur le concept de gène, sur l'ADN, qui nous ont orientés vers un modèle complètement autre que l'hérédité des caractères acquis. Donc ce modèle, le modèle actuel en fait, celui qui est soutenu par une quantité astronomique de données, et sur lequel on a déjà des décennies de recul, c'est celui selon lequel il y a des modifications aléatoires de l'ADN qui surviennent dans nos cellules reproductrices et qui peuvent être transmises à la descendance. Le modèle actuel, c'est que peu importe ce qui arrive au reste de votre corps, c'est seulement si ça survient dans vos gamètes, donc dans vos ovules ou vos spermatozoïdes, que le changement ADN pourra être héritable. Et une fois transmises, ces modifications, donc ces mutations de votre ADN, elles seront soumises à la sélection naturelle et elles pourront perdurer ou non dans l'espèce en fonction de leur effet sur l'organisme, en fonction des probabilités qu'elles ont d'être transmises de nouveau à la génération suivante. Mais donc pour les bactéries qui possèdent un système CRISPR, c'est pas tout à fait la même chose là. Il n'y a pas de cellule reproductrice. Il y a seulement une cellule, une bactérie mère, qui se divise. Alors bien sûr, il y a des mutations aléatoires qui surviennent. Elles sont transmises aux bactéries filles pendant la division. Bien sûr que non, le modèle actuel de changement aléatoire et de sélection naturelle n'est pas invalidé du tout. Mais ce que montrent les travaux qu'on a mentionnés sur l'immunité adaptative bactérienne, ce que ça montre, c'est qu'il existe parfois aussi autre chose. Il existe un mécanisme, CRISPR-Cas, capable d'introduire des changements dans le génome de l'organisme en fonction de son expérience de vie et de son environnement, ici en fonction des virus qu'il rencontre au cours de son existence. Et ces changements, ces nouveaux caractères, ces résistances que les bactéries développent contre les virus, elles sont inscrites dans l'ADN et elles sont héritables. Donc là, bientôt 200 ans après la mort de Lamarck, on a découvert un mécanisme moléculaire de l'hérédité des caractères acquis. C'est beau. C'est beau. Bah ouais, c'est beau. Bah moi, je suis content pour Lamarck. Bah t'es carrément, c'est quand même... c'est bien en plus parce qu'on a quand même eu tellement de gens qui ont lutté contre ce genre d'idée parce qu'ils disaient, mais montrez-moi un exemple. Et là, on en a un. Il y a, dans certaines conditions, des choses qui ressemblent aux théories de Lamarck. Voilà. Et en fait, ce qui est amusant, vous allez me dire si je dis des conneries ou pas, c'est que ça me fait un peu penser à ce qui s'est passé en physique, où il y a quasiment eu besoin de passer par le fait que Lamarck avait tort pour se rendre compte plus tard que dans certains cas, il avait raison, quoi. Probablement, c'est-à-dire que si on avait continué à considérer uniquement l'évolution à travers le prisme de Lamarck, on n'aurait pas compris la plupart des mécanismes évolutifs qui nous entourent, parce que la plupart des organismes subissent une évolution de type darwinienne, essentiellement. Il aurait fallu s'intéresser aux bactéries, donc déjà savoir qu'il y en avait, parce que à l'époque de Lamarck, on se doutait à peine qu'il y avait des bactéries, etc. Et comprendre les mécanismes de gestion des virus, virus qui sont en plus découverts bien plus tard, pour comprendre justement qu'il y a des altérations du génome, encore une autre découverte, qui permettent d'avoir une validation quand même. C'est pas général, hein, mais une validation épisodique de certaines de ces théories. Et pour préciser ce que je disais quand je disais que ça me rappelait la physique, en fait ça me rappelait la physique sur le... Désolé, je viens de couper le live sur la chambre. Je vais le remettre. Ça me rappelait la physique dans le fait que en physique au début il y avait, enfin je sais pas si on peut appeler ça une théorie, mais on avait cette idée que la Terre était au centre de tout. Et si on avait gardé cette théorie-là, le fait d'observer que toutes les planètes s'éloignaient de la Terre ne nous aurait pas étonné et on n'aurait pas pensé à l'expansion de l'univers. Et on avait besoin de d'abord passer par la Terre n'est plus au centre pour après s'étonner qu'elle soit au centre d'un phénomène. Ouais. Je vais juste corriger, on n'est pas au centre de l'expansion de l'univers. Hein. Oui, il va falloir partir. Ah bon ? On a l'impression, quand on observe, qu'on est au centre de l'expansion. Après, de n'importe quel point, on aurait l'impression de voir l'expansion. En gros, on s'aperçoit de l'observation. Enfin, on s'aperçoit de l'expansion, puisqu'on est le centre dire, de l'observation. En gros, à l'époque où on pensait que la Terre était au centre, on aurait eu cette observation-là, ça aurait été du pain béni. Quoi. On aurait dit, bah, c'est bon, c'est vérifié. Ça vérifie que, justement, on est sur le centre. Ouais. Mais là, du coup, d'avoir un petit exemple d'hérédité des caractères acquis, c'est bien aussi parce que ça empêche de devenir dogmatique sur la sélection darwinienne. On a des exemples que, bah, oui, la sélection darwinienne, ça marche, c'est peut-être ultra majoritaire, mais il y a aussi d'autres mécanismes. Donc, bah, tout ça, c'est bien beau, on est content pour les bactéries, on est content pour leur système immunitaire, on est content pour Lamarck, mais ça ne nous explique pas si on doit être content pour nous, si CRISPR, ça va changer notre vie à nous. Donc c'est là qu'interviennent de nouveau Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier. Donc après avoir décrypté le mécanisme naturel, donc tout ça, tout ce que je vous raconte, c'est quand elles ont découvert le mécanisme naturel par lequel CRISPR fonctionne dans les bactéries, les chercheuses donc, et leurs équipes ont essayé de détourner le mécanisme de sa fonction initiale. Puisque les protéines Cas sont guidées vers l'ADN des virus grâce à des morceaux d'ARN qui imitent les séquences virales, est-ce qu'on ne peut pas essayer, nous, de se servir de ça ? Est-ce qu'on ne pourrait pas fabriquer des ARN qui guideraient les protéines Cas vers autre chose ? Pas vers de l'ADN de virus, mais vers une séquence qu'on a choisie nous-mêmes, vers un gène qu'on veut étudier. C'est ce qu'elles ont essayé de faire et elles ont réussi. Elles ont montré qu'on pouvait reprogrammer le mécanisme CRISPR pour cibler presque n'importe quelle séquence ADN, qu'elle soit virale ou non. Encore mieux, elles ont montré que pour faire ça, on avait besoin que de deux choses, deux ingrédients. Une protéine Cas, la Cas 9, toujours la même, et un morceau d'ARN guide qu'on peut fabriquer soi-même en laboratoire pour un coût assez minime et, à vrai dire, sans avoir besoin d'équipement particulier. Donc voilà, c'est ça qu'on doit à ces deux équipes de recherche, un outil relativement peu coûteux, très modulable puisqu'il est personnalisable à volonté via cette molécule d'ARN et qui permet de couper l'ADN pratiquement où on veut, dans une cellule vivante. Alors ça, ça n'a peut-être pas l'air de grand-chose, de juste un outil pour couper l'ADN, mais si vous étiez généticien, ça vous ferait à peu près le même effet que si Indiana Jones sortait du temple avec le Graal dans les mains, vous le tendez et disait « Tiens, c'est cadeau ». Sauf que là, c'est une paire de ciseaux. Sauf que là, c'est une paire de ciseaux génétiques, voilà. Mais c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un généticien du monde. Ah ça, voilà. Parce que couper l'ADN... C'est bizarre un généticien, n'est-ce pas? On peut coller derrière ou pas? Comment? Non, on peut coller derrière. Parce que si justement, couper, justement, c'est justement, ça qui est bien, c'est qu'on n'a rien à faire. Tu vas expliquer, Adrien. Voilà, donc couper l'ADN, ça ouvre énormément de possibilités. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules, elles détestent. Elles détestent ça, qu'on coupe leur ADN. Couper de l'ADN, ça veut dire casser un chromosome. C'est super dangereux. C'est un événement qui peut entraîner la mort des cellules. Alors, quand tu parles des cellules, c'est essentiellement les cellules eucaryotes qui sont... Voilà, maintenant, on n'est plus dans les bactéries. Je peux poser une question? Go. Ouais, suite à la censure de Nicotube, j'ai pas pu m'exprimer avant, je disais. En fait, j'ai raté deux, trois petits trucs, mais je suis pas sûre d'avoir bien compris. Mm-hmm. En gros, donc les bactéries qui ont le système CRIPS, elles sont potentiellement capables de résister à des virus. Mais ma question, c'est pourquoi toutes les bactéries résistent pas à tous les virus si elles ont tous ce système? Elles ont pas toutes ce système. 40% en fait 40% de bactéries ont ce système. Ouais. Mais c'est par espèce, comment ça marche? Alors, je ne sais pas exactement quelles sont les espèces qui sont pour lesquelles il n'y a pas le système CRISPR. Moi non plus, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a, pour parler évolution, s'il y a des groupes particuliers, des taxons, des groupes monophylétiques de bactéries qui l'ont ou qui ne l'ont pas. Et puis d'accord. À part ça, il ne faut pas oublier que les virus évoluent aussi et ils ont pas mal de stratégies anti-CRISPR. Okay. Voilà. Là, ce qu'on voit à notre époque, en fait, c'est déjà le résultat d'une espèce de course à l'armement. C'est un concept un petit peu... concept évolutif. Ouais. Je pense qu'on peut comprendre tout ça. Oui, voilà, c'est assez transparent. Ouais. Il y a eu des infections, des bactéries qui étaient infectées par des virus. Il y a eu développement d'un système immunitaire bactérien, mais les virus ont répliqué en développant des nouvelles stratégies d'infection. Les bactéries ont re-répliqué en se défendant, ainsi de suite. Et nous, ce qu'on observe maintenant, ça fait suite à des millions, milliards d'années d'évolution. Et on est sûr que ça s'est passé dans ce sens-là, que c'est que le système CRIPS est venu CRISPR, pour se défendre. CRISPR. Ah, ça va, vous avez une chips dans la bouche depuis tout à l'heure, et vous dites que ça va pas, ouais, c'est du foutage de gueule. Non, mais en fait, on sait déjà que ça s'est passé dans ce sens-là, que c'est en réaction aux infections virales que ce système-là s'est développé, non, ou est-ce pas. Que c'est trop jeune pour le savoir? Il y a des gens qui ont essayé de se mettre là-dedans, mais c'est des bactéries et des virus, quoi. C'est des choses qui bougent très très vite. Donc essayer de retracer quelque chose qui s'est passé il y a des centaines de millions d'années ou des milliards d'années, c'est hors de notre portée pour le moment. Et est-ce que les virus sont des systèmes de CRISPR aussi? CRISPR, pardon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et j'ai encore une question, puisqu'on est arrêté, une question. S'il faut avoir toute une banque de données avec tout ce qui a été rencontré jusque-là et que ça se transmet, il y a un moment il n'y a plus de place, non? Tout à fait. C'est pour ça que, en fait, je pense, oublier, quoi. Il y a une pression de sélection assez énorme sur les bactéries pour que leur génome soit purgé de séquences inutiles. Ça va très très vite pour les bactéries. Et du coup, tu peux te retrouver avec des bactéries naïves, c'est-à-dire qui n'ont pas été, qui ont purgé de génération en génération une partie des génomes viraux. Au fur et à mesure de leur évolution, parce qu'il fallait en effet faire de la place. Et donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'une bactérie qui en sait trop meurt. Non, pas qu'elle en sait trop, c'est que juste elle va être supplantée par des bactéries qui ont moins d'ADN et donc qui vont se développer plus rapidement. Ok. Et du coup, ça veut dire que les bactéries forcément qui ont le système CRISPR, elles sont beaucoup plus résistantes aux bactériophages? Ouais, c'est ça, ouais. Exactement ça. Donc ça veut dire qu'en fait, on est dans la mouise, quoi. Parce que si les antibiotiques ne fonctionnent pas, on présentait toujours les bactériophages comme... Comme des solutions? Ouais, comme la solution, en fait. Oui et non, parce que si on veut designer des virus nous-mêmes, on en fera des nouveaux. On fera des trucs qui n'existent pas dans la nature et qui ne peuvent pas être reconnus par du CRISPR. Puisque c'est adaptatif, il faudra en créer des nouveaux en permanence. En fait, c'est ça la difficulté. Mais on peut créer des virus avec des séquences complètement nouvelles. Et en connaissant le système, on est beaucoup mieux armé que si on n'avait pas découvert le système CRISPR. Ok. Pleurez pas tout de suite. Ça vient plus tard. Il y a un autre truc, puisqu'on est en train de discuter de système immunitaire adaptatif, de comment ça a évolué, et des fonctions de CRISPR, en fait, on n'est pas sûr. Là, on a une démonstration que ça peut fonctionner comme un système immunitaire, mais on n'est pas du tout certain que ce soit les seules fonctions. D'ailleurs, il y a des gens qui sont en train de faire des études pour voir s'il n'y a pas d'autres fonctions au système CRISPR. Parce que, en effet, les bactéries ont tendance à essayer de réduire un maximum la taille de leur génome, parce que ça les aide à se diviser plus vite. Mais quelque chose qui leur apporte vraiment significativement un avantage de survie, ça va aussi être conservé. Et notamment, il y a des choses, on a vu des choses bizarres dans les séquences CRISPR. On a vu des séquences dans les séparateurs, donc dans les séquences virales, qu'on n'a pas réussi à associer à quoi que ce soit. Qui ne correspondent pas donc à des virus. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas. Soit ça peut être complètement autre chose, soit ça peut être des virus, mais qui ont disparu. Oh putain, c'est beau. On a les portraits robots de virus qui ont été éradiqués. Mais on ne sait pas. On n'est pas capable de le déterminer, puisqu'ils ont disparu, on ne peut pas savoir... Mais du coup, là, ça, si on se rend compte que c'est vraiment viral, que c'est des virus disparus, ça remet un petit peu en question cette idée de purger le génome. À moins qu'il y ait une deuxième fonction, parce que c'est ça qui est, voilà, c'est, voilà. C'est que souvent, il y a des choses qui sont présentes dans des génomes qui ont une fonction très très évidente, par exemple ici, système immunitaire, mais qui peuvent avoir une fonction subalterne qui fonctionne et du coup qui va être conservée. Mais ça, encore une fois, le système CRISPR découvert 2012, c'est l'ouverture d'un nouveau domaine de recherche et ça va vite, mais il faut quand même du temps avant qu'on commence à comprendre plus. On dirait Jurassic Park, mais avec des bactéries. Pourquoi ? Pour les virus fossiles qui ont disparu ? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. On va faire revivre la lèpre violette qui avait disparu il y a 30 millions d'années. La lèpre des dinosaures. C'est la solution à Jurassic Park, en fait. Ouais, ça aurait été beaucoup moins groovy comme film. Hein. Donc, on parlait des cassures d'ADN, couper l'ADN, les cellules détestent ça, couper l'ADN, c'est dangereux, mais il y a des mécanismes de réparation des cassures ADN. Donc là, encore une fois, on sort des bactéries. Là, on revient vers nos cellules à nous, nos cellules d'eucaryotes, des cellules qui ont un noyau, qui ont des chromosomes. Donc les eucaryotes, on peut le dire, donc il y a les champignons, il y a les plantes, il y a les animaux, mais il y a aussi des amibes, il y a des algues, il y a plein de choses. Tout ce qui a un noyau. Voilà, tout ce qui a un noyau. Donc il y a plusieurs mécanismes de réparation des cassures ADN. Principalement, il y en a trois qui fonctionnent chacun avec des molécules différentes et qui ont des modes d'action différents. Je vais utiliser un petit peu des gros mots, mais je vais essayer d'expliquer au maximum. On compte sur vous pour nous arrêter. Voilà, n'hésitez pas à interrompre si c'est compliqué niveau mécanisme. Donc le premier mécanisme, j'ouvre mécanisme, les guillemets. Mécanisme, ça va à peu près. C'est bon. Alors attention, jonction d'extrémité non homologue. Ça c'est juste le nom du mécanisme. Pour faire simple, c'est du rafistolage. C'est un espèce de rouleau de scotch ou de tube de colle moléculaire. Pour expliquer les choses simplement, on a des groupes de protéines spécialisés qui sont envoyés sur le lieu de la cassure d'ADN, qui attrapent les deux extrémités de l'ADN donc libre, qui a été cassé, et qui les recollent ensemble à la va-vite. Dans l'urgence, donc, lorsque la cellule doit éviter de perdre des morceaux de chromosomes, c'est un mécanisme qui est super utile. Mais le désavantage, c'est que c'est un mécanisme qui est relativement imprécis. Souvent, lorsque les deux extrémités de l'ADN sont raccrochées, on perd ou on gagne un petit bout par rapport à la séquence d'origine. Soit on insère quelques paires de bases, donc quelques nucléotides ACTG, pour faire le lien entre les deux, soit on en retire quelques-uns et on recolle le tout vite fait. C'est marrant parce que ta description est très compréhensible, c'est très visuel. Je fais une petite aparté, mais c'est tellement visuel qu'on aimerait te voir le dessiner, mais c'est pas du tout ton style de dessin sur ton blog, alors que c'est hyper visuel. Quoi. Du coup, j'aimerais bien voir un dessin de cette colle qui rassemble le bordel moléculaire. Moléculaire, ouais. Ce qui me permet de placer au passage que Vran fait plein de dessins super chouettes. Sur son blog Megatherium, le blog qui envoie du poil. C'est plus ça, c'est plus ça. Ah merde. C'était, avec ouais, c'était un dernier dessin posté récemment qui m'a beaucoup plu, je sais pas pourquoi, mais j'en garde, juste il me plaît. Parce que ça te rappelle ce qui flotte dans tes têtes peut-être. Je sais pas en fait, tu essaies de comprendre, tout. Enfin, je sais pas, il y a un côté intriguant, bref. Donc, rafistolée à la va-vite de l'ADN cassé, si la cassure se produit dans un endroit qui n'est pas codant, donc entre deux gènes par exemple, dans une séquence qui n'assure pas une fonction, généralement ça n'a pas d'incidence, ça n'a pas de conséquence. Le chromosome est de nouveau entier, la cellule elle est contente et tout le monde est sain et sauf. Mais si la cassure survient dans une séquence codante, donc à l'intérieur d'un gène, là on risque des problèmes parce que insérer ou retirer de l'ADN dans une séquence codante, c'est risquer de rendre le gène non fonctionnel. Et rendre des gènes non fonctionnels, bah, c'est exactement ce que cherchent les gens comme nous, les généticiens. Je dis comme nous, je me considère généticien ici. Casser des gènes, c'est leur travail aux généticiens. C'est comme ça qu'on comprend à quoi ça sert. En termes de recherche fondamentale, donc, le système CRISPR-Cas, ça va être très utile aux généticiens pour introduire des mutations dans des gènes de manière ciblée, dans des gènes choisis donc, et pouvoir analyser leurs fonctions ensuite. Et puisqu'il n'y a pas vraiment de restrictions au niveau des organismes dans lesquels CRISPR est utilisable, comme on le disait en intro, il y a des levures, des plantes, des champignons, des animaux, ça a l'air de fonctionner à peu près partout. Donc le système va ouvrir de nouvelles possibilités en termes de comparaison interespèces. Grâce à CRISPR-Cas, il y a beaucoup de nouvelles espèces qui vont pouvoir devenir des organismes modèles pour la génétique, au même titre que la drosophile, la souris ou le poisson zèbre. Gros mot, drosophile, c'est une petite mouche du vinaigre. Drosophile, c'est un gros mot. Ça, on sait et on veut pas que tu nous donnes plus de détails. Il y a pas un tag sur ton blog, drosophile ? Si. Donc c'est peut-être, on l'espère, les généticiens, les gens qui étudient l'évolution aussi, on espère que c'est la fin des organismes modèles. On espère que c'est le début de vraiment... T'attrapes une bestiole dans la nature et tu regardes ses gènes. Donc voilà pour le mécanisme de réparation de l'ADN par jonction d'extrémités non homologues. Mais il y a encore deux autres mécanismes qui offrent d'autres possibilités. Il y a la jonction d'extrémités par micro-homologie et la recombinaison homologue. Alors là, rien qu'à mentionner ces termes-là, je me remémore des images ignoblement complexes d'extrémités flottantes, de complexes protéiques, de capture et de résolution de structures ADN à quatre brins. D'ici déjà, de la table où je suis installé, j'entends dans le lointain des cris de terreur d'étudiants en génétique. Voire même d'auditeurs du podcast. Alors, je suis désolé, hein, pardonnez-moi, mais par respect pour les auditeurs, pour pas brutaliser cette curiosité qui est précieuse, qui vous pousse à venir ici quérir de l'information scientifique, je vais pas m'attarder à expliquer ces mécanismes moléculaires. Peut-être qu'il y aura des images... qui essaieront d'en dire plus, mais c'est vraiment... Je sais pas ce qui est le plus flippant, en fait. C'est que tu veuilles pas l'expliquer ou qu'on trouve que ça te fasse limite saliver à juste le prononcer. Non, moi, ça, me donne des mauvais souvenirs. Hein. C'est un truc... Alors, déjà, il y a l'ADN, il y a la double hélice, qui est déjà une structure qui est compliquée en 3D. Il y a deux brins d'ADN complémentaires. La recombinaison homologue, c'est deux chromosomes. La recombinaison homologue, c'est ça, c'est deux chromosomes, quatre brins d'ADN, essayer de résoudre des structures à quatre brins comme ça, qui vont s'ouvrir, se couper, se coller les uns aux autres, se réparer en utilisant l'un comme patron pour l'autre. C'est la science des nœuds et c'est en fait, c'est imaginer faire de la science... C'est vachement chouette. Ouais, non, mais imaginez faire de la science des nœuds avec des fils, les cordons de téléphone de votre grand-mère, là. Non, c'est juste, c'est l'horreur. En fait, là, Robin et Nico sont en train de se dire, ça a l'air super chouette. Il me semble en plus qu'en maths, enfin, faut que Robin, je sais pas s'il est encore avec génial. Nous, mais non, il ça me semble dérive, que sur les nœuds de fil de téléphone, il y a eu des découvertes récentes, mais je suis pas sûr. Ouais, c'était des trucs de physiciens et pas de matheux, mais googlez ça, googlez ça. C'était pas génial. Faites-vous une émission sur vos trucs. C'était pas très chelou, intéressant. Là. Mais allez-y, si vous voulez des structures complexes, googlez ça. Recombinaison homologue et jonction de Holliday, c'est un cauchemar. Soit dit en passant, les nœuds, moi, tout ce que j'en sais très très peu de choses. J'ai surtout lu un bouquin qui s'appelle des choses cool à faire en cinquième dimension ou un truc comme ça, enfin un bouquin de maths quoi. et qui expliquait que les nœuds c'était une théorie qui était pas mal en vogue et en particulier du fait de ses applications en bio Parce que la question qui se pose, c'est de se dire où on doit faire un coup de ciseau dans un truc emmêlé pour défaire un nœud, quoi. Ouais. Et là, on vient de trouver les ciseaux. Et c'est exactement. Oui, mais t'as trouvé le ciseau. Mais du coup, une fois que t'as le ciseau, la question, c'est où tu coupes pour aller couper. Et c'est, il y a beaucoup de matheux qui se prennent la tête là-dessus, en fait. Eh ben, tant pis pour eux. J'ai envie de dire. On leur expliquera pas aujourd'hui comment ça marche. Ils auront qu'à chercher eux-mêmes. Donc je répète, je vais pas expliquer ces mécanismes. Par contre, ce que je peux vous dire. Et avec plaisir, là, sans me remémorer d'images horribles. Et pour finir sur les nœuds, juste deux secondes. Oh merde. Vous savez qu'il n'y a pas de nœuds, il y a des nœuds que en dimension 3 en fait. Arrêtez-le. Il est loin de moi, ouais, je ne peux pas le taper. Arrêtez. Tu veux dire en dimension 3 minimum ou en... Il y a des nœuds quoi. Si tu montes en dimension 4, 5, 6, etc., il n'y a plus de nœuds. Il n'y a plus de nœuds. Et en dimension 2 non plus. Il y a surtout plus de bière dans mon verre. Est-ce que tu peux me resservir? Mais on va faire un truc sur la dimension 4, on n'a jamais fait encore. On va faire un super jeu, tous les mathématiciens vont jouer au roi du silence. Moi, je vous rappelle que mon but, ici ce soir, je suis invitée exprès par Topo, parce qu'il m'a dit, viens, il y a les mathématiciens, ils vont encore foutre le bordel dans l'émission. On a besoin de soutien. Franchement, je ne le croyais pas, j'avais des cartons à faire, je suis venue en renfort, mais là maintenant, je comprends. Merci, bon courage. Billy. Donc, ce que je peux vous dire à propos de ces deux mécanismes, donc la recombinaison homologue et la jonction d'extrémité par micro-homologie, c'est qu'au lieu de juste couper l'ADN et raccommoder à la va-vite en faisant des erreurs, ces deux mécanismes permettent d'insérer en fait, des nouveaux fragments d'ADN qu'on a choisis dans la cassure. On ouvre l'ADN avec les ciseaux et on colle quelque chose au milieu. Ou alors, ça permet de remplacer carrément la région d'ADN qui est autour de la cassure. Alors ça, dans la nature, quand ça se fait, c'est-à-dire quand il y a une coupure double brin sur un des chromosomes, généralement, ce système de micro-homologie ou de recombinaison homologue, ça se met en place parce qu'on a deux chromosomes. Ouais. C'est ça l'idée. Et du coup, comme il y a deux chromosomes, il y en a un qui, la cellule le présume, a une copie bonne du gène qui vient d'être coupé. Et donc, va l'utiliser un peu comme un patron. Un patron, pour pouvoir remettre la bonne séquence là où il y a eu la coupure, c'est ça ? Voilà. Ouais. Donc, vous êtes des organismes qu'on appelle diploïdes. Vous avez deux chromosomes. Pour chacun de vos chromosomes, vous avez deux chromosomes 1, un qui vient de votre père, un qui vient de votre mère. Deux chromosomes 2, un qui vient de votre père, un qui vient de votre mère. On va oublier les chromosomes sexuels parce qu'ils sont un petit peu particuliers si vous êtes XY. Mais voilà, s'il y a une cassure sur le chromosome 1 de votre papa, la cellule, elle va avoir des mécanismes pour rapatrier le chromosome 1 de votre maman, l'amener à proximité de la cassure, l'ouvrir et le lire pour voir quelle est la bonne séquence et réparer le chromosome cassé grâce à ça, en utilisant ça comme modèle. Donc là, en fait, encore une fois, c'est pas vraiment un détournement, mais on sait que la cellule, elle a des mécanismes de réparation et on va les utiliser à notre profit pour introduire les modifications que nous, on a envie. Donc, on a deux systèmes. Enfin, on a le système CRISPR-Cas qui permet de couper. Et soit on peut laisser la cellule faire des erreurs et casser des gènes, ou alors on peut lui suggérer comment elle doit réparer la cassure et lui faire introduire des choses à l'intérieur du génome, soit introduire des nouveaux gènes, soit modifier la séquence qui était là. Et ça, ça a énormément d'applications. Ça a des applications, encore une fois, dans la recherche fondamentale, pour les généticiens, parce que ça permet de modifier les gènes. Donc, plutôt que de les casser, on va pouvoir en introduire des nouveaux, voir si ça fait des choses, on va pouvoir analyser des fonctions. Mais ça a aussi des applications dans l'agroalimentaire et, bien entendu, en médecine. Et là, je vais laisser plus la parole à Pierre pour les applications. Alors, j'attendais que paraisse une des figures finales, justement, par Pascal. Il y a une question, pardon, excuse-moi. C'est juste une question, parce que je m'étonne, mais tout ça apparaît après 2012 ? Ouais. C'est à combien de chercheurs au monde qui bossent sur ça ? Parce que c'est extrêmement rapide. C'est quand même, vous parlez depuis une demi-heure de choses qui apparaissent après 2012. Ouais, alors ce qui s'est passé au niveau de la publication, c'est qu'il y a eu cet article original il y a eu les articles dont j'ai parlé, donc l'article original de 87. Il y a eu un article en 2002. Il y a eu quelques articles en 2005. Après, il y a les équipes d'Audna et Charpentier qui ont vraiment décortiqué le mécanisme. Elles ont publié ça en 2012. elles avaient déjà conscience que ça allait changer les choses. Elles se sont dit, immédiatement, quand elles ont vu ça, elles se sont dit, mais mince. on peut utiliser ça, on peut le personnaliser, cet outil. On peut vraiment en faire un outil pour nous aller couper où on veut. Et ça a déclenché, évidemment, une vague d'enthousiasme. Ça a été la grosse panique dans les laboratoires. Elles ont publié leur article en 2012. En 2013, il y a eu plus de 1000 articles avec le titre CRISPR, avec CRISPR dans leur titre. 2013-2014, ouais, c'est juste énorme. Mais ça par a été contre, exponentiel. Juste pour quand même rétablir le contexte, on savait depuis par contre longtemps que couper l'ADN allait fournir un outil permettant de manipuler les génomes. Ça, on savait. Ça. On attendait ça. C'est juste qu'on a trouvé les ciseaux, quoi. Voilà. On avait déjà d'autres ciseaux. Je vais en parler justement dans les applications. Mais on avait déjà d'autres ciseaux, mais beaucoup moins faciles à manier que CRISPR-Cas. Et là, en gros, on savait que si on trouvait des ciseaux, ce serait génial, mais personne ne nous en donnait. Et c'est les bactéries qui, finalement, nous ont fourni cet outil. Le gros avantage de CRISPR par rapport aux autres technologies qui pourraient nous permettre de couper l'ADN, c'est que ça coûte vraiment pas grand-chose à faire. Ouais. Et c'est vraiment hyper personnalisable. Ça demande pas des compétences folles. Quelqu'un qui a des connaissances basiques en biologie moléculaire, qui sait un petit peu bosser avec des tubes et des pipettes en laboratoire, peut fabriquer un ARN guide assez facilement, pour couper l'ADN qu'il a envie de couper, et juste mettre ça ensemble avec la protéine Cas9 qu'on peut avoir dans le commerce. Et du coup, la question toute con, en fait, c'est que bon, c'est très enthousiasmant, on en voit beaucoup en recherche des résultats très enthousiasmants qui, des fois, font des flops. Mais là, on a l'impression que c'est pas cher, c'est très enthousiasmant, et du coup, quelle retombée très rapide ça peut avoir sur... Ça va être justement ma partie. Tu vas voir ça. En fait, je vais progressivement vous montrer quelles sont les applications, en partant de trucs le plus basique jusqu'au truc qui nous concerne le plus. Une des applications, c'est j'en profite pour commenter une des illustrations qui paraît. C'était Robin, du coup. Ah oui, pardon. Robin disait qu'en dimension 4 ou plus, la ficelle peut se croiser sans se croiser. Sur ce, je mute les matheux comme ouais, proposé. S'il vous plaît, ouais. Au gueule, les matheux. Donc, je disais, ouais, là, il y a une figure qui apparaîtra dans le dossier, etc. et qui permettait d'illustrer de manière un tout petit peu plus ludique ce que nous disait Adrien sur justement ces remaniements, recombinaisons homologues, etc. avec du bacon, c'est-à-dire que la double hélice d'ADN a été représentée par du bacon et donc Adrien nous en parlait fournir une séquence externe qui permet d'utiliser d'une certaine manière la séquence pour pouvoir s'insérer à l'endroit où il y a eu la coupure est représentée par un hot dog. Et ça, c'est issu d'un vrai article scientifique qui montre la fonctionnalité de la méthode CRISPR-Cas chez le cochon. Donc, vous l'avez compris, c'est moi qui prends la parole, mais vas-y, Johan. On va mettre les images après dans les dossiers en fin de... Ah oui, bien sûr. Oui. Sur le dossier en ligne. Dans les notes de l'émission, tout à fait. Et sur, bien sûr, Saft, dont je serais en plus ravi d'accueillir depuis longtemps un des billets de Vran, puisque ce sera Vran le retour sur Strange Stuff and Funky Things. Comme à la belle époque. Comme à la belle époque, en effet. Et ça doit être un peu en plus notre premier dossier en commun. Tu veux dire où tu avais un rôle hiérarchique qui l'imposait de faire ça et où il pas du tout. Ouais, voilà, quand j'étais un stagiaire en M2 et que Pierre me supervisait d'une main de fer. T'as fini tes manips ? Ouais, eh ben fais-moi un article. Voilà, quand il me faisait faire ses manips et son blog. J'en garde encore des séquelles. L'approche fait encore de la vulgarisation scientifique. Vous, voilà. Vous voyez où ça mène de travailler avec Topo. Bon, trêve de... on va parler d'autre chose. Donc, les applications du système CRISPR-Cas remontent à la découverte du concept d'immunité adaptative des bactéries. Donc, on va repartir à la base et ça fait en fait partie des premières applications du système CRISPR, donc CRISPR, comme tu dis, Cas9. Donc, la révélation que des bactéries peuvent résister à des attaques de virus en modifiant leur propre génome et du coup, celui de leur descendance, a eu des conséquences immédiates dans la production de vos yaourts. Alors, pourquoi ? Eh bien, figurez-vous que les virus des bactéries, les bactériophages, comme on dit, sont la plaie de nombreuses industries de produits laitiers et donc de produits fermentés d'ailleurs de manière générale, que ce soit des yaourts, des fromages ou autres délicieusetés qui utilisent des souches bactériennes dans leur méthode de fabrication. Alors sans vraiment savoir ce qu'ils faisaient, de nombreux producteurs se sont déjà mis à vacciner leurs souches bactériennes en les exposant à l'infection de divers bactériophages et en récupérant les survivants. Ils savaient pas que ça, ils connaissaient pas le système CRISPR, mais ils savaient que on met un petit peu de virus, on récupère ce qui a survécu et visiblement après ils résistent. Ils avaient des souches bactériennes vaccinées, se posaient pas de questions. Ils disaient ça marchait très bien. Même au-delà de parler de vaccination, en fait, c'est tout bêtement utiliser le principe de l'évolution, en fait, quoi. C'est... Non, parce que là c'est une vaccination dans le sens où tu as une souche bactérienne qui devient résistante après la première exposition avec le virus. Voilà. C'est pas donc c'est la descendance immédiate. D'accord. C'est le retour sur les théories de Lamarck. C'est pas uniquement des bactéries dont certaines seraient résistantes à la base qu'on va sélectionner en les infectant. C'est on va déclencher l'immunité chez les bactéries et elles vont devenir résistantes en étant exposées au virus. Et d'autant plus en plus qu'elles gardent cette information pour être résistantes à plusieurs virus. Donc tu peux avoir des souches qui sont multirésistantes alors que au cours de l'évolution, normalement, ça devrait pas se passer comme ça. Ça devrait avoir une mutation, puis une deuxième mutation, puis une troisième mutation, etc. C'est super rapide en fait. Donc là, en effet, c'est extrêmement rapide. Alors aujourd'hui, des entreprises comme DuPont sont spécialisées dans l'optimisation. Oh, l'optimisation. DuPont avec un T ou avec un D ? Avec un T. DuPont. Elles sont spécialisées dans l'optimisation des cultures bactériennes grâce aux connaissances du système CRISPR cette fois-ci, qui leur permet de vérifier quels sont les virus auxquels les bactéries sont susceptibles de résister. Alors depuis 2012, la découverte du système CRISPR, on peut trouver par exemple des souches bactériennes comme Choose It Swift de Streptococcus thermophilus, utilisées dans la confection de fromage à pizza et qui sont donc des bactéries CRISPRisées. Donc si vous avez mangé certains yaourts, si vous avez mangé certaines pizzas, vous avez certainement mangé des bactéries, vous avez mangé en tout cas le résultat du travail de bactéries CRISPRisées. Donc les pasteurisées, bactéries CRISPRisées. Et c'est pire ou moins pire que les OGM ? Justement, non, c'est très bien. On va rentrer dans le débat un tout petit peu plus tard parce que justement, c'est une question qui va commencer à se poser. Et tout dépend un peu de la réception du public. Vu que le public n'est pas nécessairement au fait de ce qui est fait, la différence d'ailleurs de ces bactéries CRISPRisées avec des bactéries modifiées génétiquement par d'autres techniques, les ingénieurs agroalimentaires ont commencé à désamorcer l'amalgame en utilisant, non sans cynisme à mon goût, l'appellation d'organismes modifiés génétiquement non OGM. Ah oui, je vois. Comme ça élimine d'office, quoi. Tu me diras, ils auraient mis CRISPR, on n'aurait pas forcément compris. Ouais, ils auraient pu dire organisme OGM CRISPR. OGM naturel, ouais, ça marche très très bien, ouais. Aussi. OGM naturel, ça serait pas mal. OGM bio. Ils pouvaient même pas appeler ça CRISPR parce qu'à l'époque on n'avait pas le nom encore. Ouais, ouais, ils ont commencé à faire ça il y a longtemps. Pour la souche bactérienne Choose It Swift, CRISPR était déjà connu, ce qui leur a permis de savoir exactement quels étaient les virus résistants. Enfin, ça revient sur un truc. Je vais faire des gros sabots dessus, mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est assez particulier à la médecine et la bio. C'est que mine de rien, c'est encore un cas où il suffisait d'avoir un résultat même sans comprendre pour commencer à utiliser, quoi. Si ça te fait peur avec le yaourt, attends-toi à la suite. Ça me fait peur. C'est que je dis que c'est la même chose en médecine où il y a plein de cas où on n'a pas besoin de comprendre pour appliquer. Ah non, voilà, on n'a pas forcément besoin. C'est complètement dingue. Et là, on se rend compte de plus en plus, on verra peut-être un peu dans une sorte de débat qu'on pourrait avoir à la fin, sur justement, il faut se rendre compte d'une certaine manière, de la manière dont on peut aller vite dans les applications sans nécessairement comprendre exactement ce qu'on fait. Et là, ça peut aller très très loin. Mais justement, voilà, avec ce système. Là, il y a des enjeux et il ne va pas falloir déconner avec, ouais, celui-là. C'est très clairement, on commence à se poser des questions à partir, voilà, comme Adrien nous l'a dit, on a des outils qui sont extrêmement puissants, le Graal génétique, et des applications qui sont fournies dans la foulée, la semaine, le mois après la publication de certains articles, en tout cas de certaines méthodes. Donc, on vous a quand même vendu un outil révolutionnaire, pas seulement un truc qui modifie quelques bactoses dans votre yop. Donc, CRISPR-Cas9, c'est aussi utilisé comme un outil d'édition génétique qui fonctionne quasi universellement, c'est-à-dire chez des organismes très divers. Les premières expériences ont été réalisées au début in vitro, c'est-à-dire que des chercheurs ont constaté que le système coupait bien l'ADN où on voulait, si on mettait juste de la Cas9 et une séquence d'ARN guide, correspondant à la séquence à cliver, c'est-à-dire à couper. Comme on l'a expliqué ensuite, chez la plupart des eucaryotes, donc les organismes avec un noyau, une double cassure de l'ADN entraîne la mobilisation de la machinerie cellulaire de réparation qui peut soit rabouter les deux bouts cassés en faisant souvent des conneries, ce qui introduit justement des mutations, soit utiliser une séquence homologue correspondant grosso modo à la partie cassée, un peu comme une anti-sèche qui permet de re-remplir la partie coupée en recopiant. Donc là, on a bien expliqué quels étaient les mécanismes qui permettaient justement d'avoir soit une introduction d'une mutation, soit une introduction d'une séquence qui nous intéresse. Et vu que les généticiens sont des fourbes, ils fournissent souvent des antisèches avec les infos qu'ils ont envie de voir inscrits dans le génome qu'ils viennent de martyriser. Donc c'était ça, la puissance du système CRISPR-Cas9. Et en fait, casser l'ADN et utiliser la machinerie de la cellule pour faire de l'édition du génome, j'en ai évoqué touché un mot tout à l'heure, on savait déjà faire, on connaissait déjà le truc. Mais seulement, les outils à disposition étaient super pas pratiques, assez difficiles à customiser et hyper chers. Donc trois gros défauts avant l'apparition de CRISPR. Les derniers outils en vogue avant CRISPR, c'était les nucléases à doigts de zinc, c'est le vrai nom, donc les ZFN pour Zinc Finger Nucleases, et des TALEN pour Transcription Activator-like Effector Nucleases. TALEN, quoi. TALEN. Donc deux types de nucléases, et ces nucléases fonctionnent sans ARN. Donc on pourrait penser qu'il y a un composant en moins, du coup c'est moins efficace, mais qui sont spécifiques d'une seule séquence d'ADN qu'elles sont capables de reconnaître. On avait une question de Jordan62 au début qui demandait justement entre CRISPR, Cas9 et versus Talents. Donc je me suis dit que c'était le bon moment de la poser. Talents. C'est un mot d'ordre dans ces domaines-là là, de faire que des trucs compliqués à prononcer ou avec des accents, etc. Soit cette école de trucs genre CRISPR, CASPAS, ZFN et ça, soit les autres qui font des noms de gènes comme Pikachu, Zelda, etc. Donc tu choisis. Putain, mais Zelda, on l'a aussi dans mon domaine. C'est pareil partout. Et donc, la question de... Jordan62. Qui était CRISPR-Cas9 versus Talents, point d'interrogation, ce qui était, je pense que justement, c'est pour ça que j'ai attendu ce moment-là pour la poser. C'est que... Je rebondis là-dessus, donc que ce soit les zinc finger nucléases ou les TALEN, ces deux types de modalités pour couper l'ADN sont spécifiques d'une séquence, n'utilisent pas d'ARN, mais pour pouvoir modifier la séquence cible, il faut modifier la séquence de la protéine nucléase. Tandis qu'avec le système Cas9, et l'ARN guide, la seule chose qu'il faut modifier, c'est pas la protéine Cas9, c'est l'ARN guide. Et l'ARN guide à synthétiser, ça coûte $30. C'est ridicule. Tandis que pour altérer la séquence protéique d'une zinc finger nucléase, d'une part, c'est hyper galère à comprendre comment ça fonctionne, et d'autre part, ça coûte un bras. Ça coûte une blinde, et c'est long à faire, c'est compliqué, c'est moins efficace, ouais. Ça demande beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de matériel. C'est vraiment chiant en fait. Ouais, ouais. C'est marqué, en plus c'est marqué dans mon texte pour vous la ça faire marche coûte, pas. C'est très chiant. C'est pas que ça marche pas, c'est que travailler avec des protéines c'est très difficile. Ouais, c'est énormément plus de boulot que de travailler avec des acides nucléiques, donc avec de l'ADN ou de l'ARN. Parce qu'en fait le code à l'origine est beaucoup plus simple que ce qu'il produit à la fin. En gros, l'idée, l'idée, c'est que tu essayes d'avoir quelque chose qui reconnaît une séquence d'ADN. Et qu'est-ce qu'il y a de plus efficace à reconnaître l'ADN qu'une séquence d'ARN, qui est pratiquement exactement la même chose, sauf qu'il y a un des nucléotides qui est altéré. Mais c'est pile poil la même chose. Tandis qu'une protéine, pour qu'elle reconnaisse l'ADN, il faut qu'elle ait une sorte de configuration, une structure tridimensionnelle compliquée pour reconnaître un domaine. Donc c'est beaucoup plus complexe. Voilà, une protéine, c'est pas fait des mêmes molécules que l'ADN. C'est fait avec des acides aminés. Et donc une protéine en soi, c'est une chaîne d'acides aminés ou plusieurs chaînes d'acides aminés qui ont chacun des propriétés physico-chimiques différentes. Il y en a certains qui sont chargés, il y en a certains qui sont hydrophiles, d'autres qui sont hydrophobes. Tout ça, ça va déterminer quelle configuration 3D prend la protéine. Et c'est cette configuration 3D qui va faire la fonction. Si vous avez envie que votre doigt de zinc, votre zinc finger, il reconnaisse un A au lieu d'un T, vous allez devoir modifier sa séquence sans casser le reste, en fait. Vous allez devoir faire en sorte qu'il arrive à reconnaître ce truc-là, mais que tout le reste de ce qu'il reconnaît autour n'est pas cassé. Donc c'est beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus d'essais-erreurs que ce qu'on a avec CRISPR, puisqu'on a juste à faire un morceau d'ARN dont on connaît la séquence et qui ne peut pas se louper. Ouais. Donc en gros, pour CRISPR-Cas, il faut synthétiser un bout d'ARN et c'est juste trivial et ça coûte que dalle. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments, alors peut-être pas en une demi-heure parce qu'on commence à avoir pas mal avancé sur... En fait, moi, je réalise pas du tout ce que consiste le travail un peu pratique quand on dit je vais aller faire une méthode ou une autre, quoi. Quand vous dites c'est vachement plus compliqué, alors il y a le coût au départ, donc il y a les coûts des matières premières, entre guillemets, où il y en a une qui va être plus chère que l'autre, mais a priori, il y a aussi le travail qui va être beaucoup plus compliqué dans un cas que l'autre. Alors, moi, je peux peut-être vous parler un petit peu de ça, parce que CRISPR, moi, je l'utilise au labo. Pour donner un peu de contexte, je travaille sur des anémones de mer, et moi, j'utilise CRISPR. J'injecte des embryons d'anémones de mer avec du système CRISPR pour faire des mutations. Donc il y a du boulot, il y a du boulot de génétique, il y a du boulot de sélectionner les individus, de les génotyper, donc de séquencer leur ADN pour savoir si on a introduit des modifications qui nous intéressent. Mais pour ce qui est de fabriquer mes ingrédients, CRISPR, la protéine Cas9, on la commande dans le commerce, donc on la reçoit dans un tube, ça c'est déjà fait. Et l'ARN, bah, je commande quelques outils qui me permettront de fabriquer l'ARN. Je les commande, je les reçois dans les 2-3 jours qui viennent. Je fais une petite semaine de manip au labo. J'ai mon ARN, j'ai ma protéine, j'injecte ça et je commence à élever mes bestioles. Si je faisais du Talon ou du Zinc Finger, il faudrait que je passe 2-3 mois à construire mes outils avant de pouvoir injecter. Et que tu payes genre 3 000 à 4 000 dollars pour pouvoir avoir cette nucléase, quoi. Ouais, donc en fait, c'est quelque chose qui vraiment vous change la vie au quotidien. Bah ouais, ah ouais, c'est parce que pour mon chef, c'est aussi une économie de mon temps de travail à moi, puisque je peux passer mon temps à faire autre chose en même temps. Et là-dessus, tant qu'on est dans le pratique, il n'y a pas eu un petit scepticisme en fait de la communauté où vous êtes tous un peu plongés dedans? On a sauté dessus et ça marche. C'était juste un... Si on allait... Enfin, moi, j'ai vu l'ambiance... J'ai vu l'ambiance en fait dans les couloirs des instituts. Tu parles de Zinc Finger, de Nicolas, ou tu parles du match de foot de, enfin pas beau, certainement pas, mais enfin tu vois d'un sujet, ils sont là genre ouais bon voilà et tout ça, le dernier Game of Thrones, je fais un spoiler ou pas? Donc bref, bon, ambiance. Tu parles de CRISPR, mais les gens des yeux qui pétillent, genre mais ça marche, mais c'est un truc de fou, mais j'ai économisé du temps. C'est non seulement il y a un enthousiasme peut-être énorme parce qu'il y a du hype, mais en plus, il y a énormément de preuves directes dans les laboratoires que ça économise un temps faramineux, que ça ouvre des perspectives de recherche fondamentale énormes. Et en plus, il y a personne énorme qui s'enrichit dessus derrière, quoi. Qui si, on va en parler justement. Il faut voir que, pour revenir un petit peu sur pourquoi tout le monde a sauté sur l'outil, c'est que ça fait des années et des années que si tu travailles pas sur la levure, la droseau, le poisson zèbre ou la souris, bah t'as la loose, ouais. Tu peux rien faire. Donc tous ces organismes qu'a cité Vran, c'est des organismes modèles qui ont plusieurs cinquantaines, centaines d'années de travaux réalisés par plusieurs milliers de laboratoires pour permettre d'établir que ce sont des organismes modèles, etc. Si tu arrives et que tu as envie de travailler, je sais pas moi, bah, par exemple sur l'anémone de mer ou sur un ver marin dégueulasse, tu galères. Ou sur l'homme. Non, sur l'homme, bizarrement, c'est un organisme modèle extrêmement utilisé parce qu'on arrive à avoir des souches cellulaire sur lequel on peut bricoler un tout petit peu. Ah d'accord, parce que j'ai cru en disant ça que j'allais être débile en disant que c'est trop complexe. Non, mais non, en fait, en culture de cellules, c'est des cellules humaines. D'accord. Y a pas de... La plupart des cultures cellulaires, c'est pas de la souris, etc. C'est souvent beaucoup, beaucoup de cellules humaines parce qu'on arrive à isoler à partir de cellules cancéreuses. On a beaucoup de tissus, en fait, qu'on peut isoler et qu'on peut manipuler. D'accord, comme ça. Du coup, donc on leur parle vue... pas de nos fermes de mutants cachées et de nos élevages d'êtres humains. On a déjà parlé d'accord. de fermes de cadavres il y a 3 semaines. Personne s'en est remis. Mais du coup, d'un point de vue assez égoïste, c'est pas grave, quoi. On peut travailler sur les hommes, donc ça va, tout va bien. Ah oui, de manière égoïste, oui, mais de manière de recherche fondamentale, tu vois bien que si on n'avait pas travaillé un tout petit peu sur les bactéries, on n'aurait jamais eu ces ciseaux magiques. Donc, bon, voilà. Laissez la recherche fondamentale tranquille. Ah, et surtout maintenant qu'on a l'outil, là, ça va pouvoir, ça exactement. Va pouvoir décoller. En plus, on va pouvoir travailler sur n'importe quel organisme à partir du moment où il nous intéresse, où il a une utilité d'une certaine manière scientifique. Alors, mais ceux qui bossaient ou autre. Sur la droseau, sur le poisson, tout ça, ils vont utiliser CRISPR, bien sûr, mais eux, ils sont un petit peu moins enthousiastes que tout le monde se mette à faire ça. Donc, il y a déjà des gros standards de qualité... assez monstrueux qui sont imposés par ces autres communautés. Donc on va pas pouvoir publier n'importe quoi, on va pas pouvoir déterrer un crapaud dans une mare et le crispariser et publier ça tranquillement. Il faut maintenant qu'on suive les standards. Si tous les organismes deviennent potentiellement des modèles de génétique, il va falloir suivre les standards de génétique. Ouais, ouais. Mais justement, pour en parler, il y en a un exemple dans le cas où il y a une publication qui est parue très très rapidement en utilisant la technique CRISPR. C'est à partir d'organismes qui nous intéressent à nous, comme la levure Candida albicans, puisqu'elle peut, dans certains cas, entraîner des infections chez l'humain. Donc, à partir du moment où il y a un impact sur l'humain, tout de suite, ça nous intéresse. Or, cet organisme n'était pas un organisme modèle, puisqu'on n'arrivait pas à l'élever et surtout à le manipuler génétiquement dans les laboratoires. Pourquoi ? Parce qu'on avait peu de manières, d'une certaine manière, de manière économique et efficace, d'altérer le génome. Avec CRISPR-Cas, en un coup de cuillère à peau, bam, on arrivait à altérer le génome et à avoir les premiers éléments permettant de comprendre véritablement comment fonctionnait le système Candida albicans. Bon, je me fais l'avocat du diable, même si là on avance un peu, il va falloir qu'on avance un tout petit peu. Ce que tu disais est hyper intéressant, c'est de dire que cette méthode, comme elle commence à être pas mal répandue et que du coup tout le monde a envie de publier parce qu'il est en train de l'utiliser, ouais. Il y a une sorte de niveau qui dit le minimum, de toute façon c'est la méthode qu'on utilise, donc si vous faites que utiliser la méthode, ça ne nous intéresse plus, il faut apporter quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas un biais qui est en train de se créer là, que si quelqu'un n'utilise plus la méthode, c'est mort, il ne pourra plus être publié, quoi. Il y a des méthodes qui étaient déjà un petit peu décriées. Des méthodes, quand on n'avait pas d'outils génétiques pour faire des mutants, parce que c'est de ça qu'on parle au final, CRISPR, on casse l'ADN, on fait des mutants. Quand on n'avait pas d'outils pour faire de la mutation, on devait se reposer sur d'autres outils moléculaires qui étaient... qui avait des effets secondaires, qui étaient plus difficiles à analyser, des choses comme ça. Et ça, déjà, la communauté s'y opposait pas mal. Mais là, ça devient impossible d'utiliser certaines autres méthodes. D'accord. Typiquement, par exemple, moi, dans mon propre laboratoire, on utilise pas mal de drogues, c'est-à-dire des substances qui sont dans censées avoir... Dans mon laboratoire, on utilise pas mal de drogues. Tout à fait, j'avoue. Ceci explique cela. Donc, Pierre Carner, si vous voulez j'avais son adresse, n'hésitez pas. J'avais pas fini ma phrase. Donc, je disais des substances qui ont un effet sur tel ou tel mécanisme, mais qui sont pas nécessairement spécifiques. Par rapport à la modification du gène, donc probablement de la source de tel ou tel phénotype, c'est risible. En fait, on est très, très, très, très loin de pouvoir utiliser ça. Donc là, peut-être qu'on va pouvoir fournir dans les prochaines années ou dans les deux prochaines années quelques articles avec les drogues, mais après, ce sera nécessairement à remplacer par le système CRISPR-Cas. Deux, trois candidatures dans la chatroom pour ton labo. Alors donc les drogues, c'est généralement des drogues comme la cyclopamine qui permet d'avoir des enfants cyclopes. Qui veut venir? Allez. Moi j'avais juste une question, il y a des brevets sur ce système Mais bien sûr qu'il y a des brevets sur ce système. Mais c'est qui les a? C'est la bataille. Je vais en parler, mais qu'est-ce qui va gros... être très riche? MIT et le Broad Institute se disputent la majorité des brevets puisque la plupart des scientifiques qui ont découvert le système viennent de ces deux entités-là. C'est où le Broad Institute, pardon ? Broad Institute, c'est pareil, au Massachusetts. Donc, dans la même ville, il y a deux, c'est un peu comme deux shérifs, tu vois, qui se disputent la plupart des brevets qui ont été... voilà, en gros, c'est ça. Le problème, c'est que la plupart des brevets, sont sur les méthodes adaptées à l'altération des protéines Cas. Parce que le système, en gros, à partir du moment où on a la séquence, et la séquence, tout le monde peut l'avoir, il suffit de consulter un tout petit peu les séquences d'ADN, on peut soi-même synthétiser et la protéine Cas9 et des ARN cibles. Donc, en gros... Ça utilise le système Cas9 ARN cible, a priori, il y a zéro souci. Tout le monde peut le faire. À part que le fait est que si tu veux publier dans un article scientifique, il faudra créditer ce genre de choses. Donc il faudra le faire proprement. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Mais il y a parmi les applications des altérations des protéines CRISPR qui, elles, ont été fournies par des laboratoires et qui ont fait l'objet de brevets particuliers. D'ailleurs, j'en parlais justement, histoire d'avancer un tout petit peu, parce que sinon on n'y arrivera pas. En fait, quand on utilise le système CRISPR-Cas, là on s'est concentré sur avoir des ciseaux, mais on n'est pas obligé de faire des coupures dans l'ADN. En s'attardant à la structure de la nucléase Cas9, des chercheurs, donc essentiellement du MIT et de Broad Institute, ont commencé à détecter quels étaient les domaines de la protéine qui lui conféraient la capacité de couper l'ADN. Et en altérant ces domaines, donc cette fois-ci c'était du génie génétique pour comprendre comment fonctionnaient ces molécules Cas9, eh bien les chercheurs se retrouvaient avec la possibilité d'avoir une protéine qui se colle à une séquence cible, donc toujours grâce à l'ARN guide, mais qui ne faisait rien. Super, hein ? Alors on a fait une protéine qui cible quelque chose et qui fait rien. Eh bien oui, c'est super parce qu'en faisant cela, ces équipes ouvrent maintenant la possibilité de créer des protéines Cas9 hybrides en réalisant des sortes de chimères moléculaires Cas9 et autres protéines. Par exemple, en couplant ces molécules Cas9, donc qui ne coupent plus l'ADN, avec d'autres types de protéines, comme des protéines fluorescentes, et du coup on pourrait savoir où se trouvent ces molécules Cas9 fluorescentes sur le génome, grâce à l'ARN guide toujours, ou des protéines activant ou réprimant des gènes qui sont proches de la séquence cible. Donc c'est juste énorme comme l'habilité d'une certaine manière de système pour pouvoir avoir non plus quelque chose qui coupe l'ADN, mais quelque chose qui rend l'ADN fluorescent, qui rend à un endroit l'ADN activé et ou qui inactive l'ADN localement. Donc on a maintenant, grâce à ce genre de modification génétique de la protéine Cas9, un nouveau outil, une sorte de couteau suisse génétique, sauf qu'avec CRISPR, c'est le genre de couteau suisse dans lequel on a l'option sabre laser. C'est juste, c'est énorme comme potentialité, puisqu'on a quelque chose qui reconnaît très précisément un endroit de l'ADN. Autre avantage de la technique, on peut utiliser plusieurs ARN guides à la fois, ce qu'on ne pouvait pas faire par exemple avec les TALEN ou les zinc finger nucléases. C'est-à-dire que si on synthétise plusieurs ARN guides, avec la même protéine Cas9, on peut couper l'ADN à différents endroits, ce qui permet de modifier du coup plusieurs gènes en même temps. Alors qu'avec les méthodes précédentes, comme je le disais, on aurait dû faire ça systématiquement un gène à la fois, ce qui est très très laborieux. Et du coup, à ce jeu-là, c'est la course entre les équipes de recherche qui soit souhaitent épater la galerie en démontrant la possibilité d'utiliser CRISPR-Cas9 chez un organisme impressionnant. Un des derniers en date, c'était la démonstration de la modification simultanée de deux gènes, chez le macaque crabier, ce qui a entraîné la naissance de deux adorables singes jumeaux. Je pense que dans la chatroom, vous pouvez voir à ce moment-là défiler les magnifiques clichés de ces deux jumeaux singes crabiers qui sont adorables. Et d'autres équipes ont carrément modifié chez la souris 5 gènes simultanément. Donc là, vous voyez dans la chatroom, c'est magnifique singe crabier. Moi, je les trouve juste adorables. Et ce sont donc des organismes CRISPRisés. Je ne sais pas si on peut dire organismes modifiés génétiquement, puisque ça reste une méthode différente par rapport à... On leur a modifié des gènes triviaux, c'est-à-dire que ça permet juste de détecter que l'altération s'est bel et bien réalisée. Ok. Donc c'est des OGM. C'est des OGM, on les a modifiés. C'est des organismes modifiés génétiquement, mais dans lesquels on a introduit absolument aucune altération, bactéries. Ce sont des mutants. Donc voilà, des organismes mutants, grâce au génie génétique. Alors il y a bien sûr d'autres champs d'application que la recherche fondamentale. On n'a pas attendu longtemps avant que plusieurs industriels agroalimentaires essaient la technique pour obtenir des nouveaux produits d'agriculture modifiés génétiquement. Un de mes préférés, ça reste le cochon, modifié par CRISPR, ce qui a bien entendu été annoncé dans une publication titrée CRISPR Bacon. Crispy Bacon, bon d'accord. Il y a aussi eu des avancées sur le riz, sur le blé, permettant d'obtenir facilement des organismes résistants à certaines maladies. D'autres projets en cours s'intéressent notamment à l'obtention de vaches sans cornes. Bien entendu, exemple sur des variétés qui existent déjà et qui ont déjà été sélectionnées pour l'absence de ce critère. Mais maintenant, vous prenez une vache normande qui normalement naît avec des cornes et vous pouvez altérer son génome pour obtenir des vaches normandes sans cornes. Alors, vous me demandez quel est l'avantage d'avoir des vaches sans cornes. En fait, déjà, ça coûte pas mal d'énergie. Donc, c'est tout autant de ressources qui ne sont pas allouées à la production de lait ou à la production de viande. Et d'autre part, la plupart des fermiers coupent manuellement les cornes des vaches. Donc on a d'une certaine manière, grâce à ces organismes modifiés génétiquement grâce à la technique CRISPR, quelque chose de plus entre guillemets humain vers la gestion de ces animaux. Et alors est-ce que tu peux faire des humains sans oreilles? Et si tu trouves une variété d'humains qui n'a pas d'oreille et que cette différence entre humains est compilée dans quelques gènes, Alors tu peux Moyennant des années d'études et l'identification de tout ça, tu vas pouvoir trouver un moyen technique de le faire. Mais j'espère qu'il y a un, voilà, j'espère qu'il y a un paquet de gens qui vont t'en empêcher. Mais alors du coup, en fait, c'est ça le script, c'est que tu arrives à trouver, tu connais la séquence qui code pour voilà, tout ce que tu veux modifier, mais tu ne sais pas exactement comment tu dois le modifier pour obtenir ce que tu veux toi. Sauf si tu trouves dans ton pool d'ADN, le bon gène qui va le modifier. C'est-à-dire, tu pourras par exemple prendre un humain, il devrait avoir les yeux marrons, tu vas peut-être lui rendre les yeux bleus. Si c'était compilé uniquement dans un seul gène, oui, le problème c'est que les yeux bleus, marrons, etc., c'est compilé dans plusieurs gènes. Donc, mais par exemple, ça nous permet d'avoir. Je vais sauter un tout petit peu certaines étapes de ce que j'avais prévu dans le dossier, mais c'est pas grave. Y a ce concept tout simplement de mutation génétique avec un seul nucléotide qui est altéré, par exemple ceux qui sont atteints de drépanocytose, et qui est dû à un nucléotide modifié. Si tu sais exactement où ça se trouve, que tu coupes à cet endroit et que tu donnes en même temps de l'ADN avec la copie normale, normale dans le sens non porteuse de la maladie du gène que tu altères, bam, tu répares la séquence codante. Mais tu peux tout à fait insérer, grâce à cette idée de coupure et de réparation par homologie de séquence, tu peux introduire des séquences exogènes, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à ton organisme. Tu dois savoir quand même tu dois savoir ce que tu mets, quoi. Tu peux pas. Tu dois savoir ce que tu mets dans le sens. Si tu mets quelque chose au hasard, ça va pas faire quelque chose. Non, c'est pas une super approche de mettre des trucs au hasard. Vaut mieux pas mettre des trucs au hasard, mais tu peux le faire. D'accord. Techniquement, CRISPR t'offre la possibilité de le faire. Après. Et surtout, la question, c'est vous avez l'air tous les deux d'accord de dire que c'est pas une super approche. Que ça serve à rien, je peux comprendre. Pourquoi c'est pas bien? Par exemple, si tu modifies un gène en coupant et que ça entraîne une désorganisation de son cycle cellulaire et que tu te retrouves avec un cancer, tu ne seras pas très content. C'est une information, en fait. Oui, si tu le fais sur un humain, tu ne seras pas ravi. Sur un humain, c'est pas fou. Ça, mais si, quand tu es en train d'élever des bactéries, etc., si tu fais au pif, bon, que ça ne serve pas à grand-chose et que ce ne soit pas hyper efficace, je l'entends. Par contre, que non, voilà, là, tu as l'approche généticien. Là, tu vas choisir un gène, tu vas te demander à quoi il sert. Tu y vas avec CRISPR, tu le casses. Et tu regardes ce que ça fait. Tu comprends sa fonction. Dans un endroit confiné, tout va bien. Là, ça c'est la recherche fondamentale. Là, si on parle des applications chez l'humain, il faut que tu saches ce que tu fais. Ouais, ou d'accord. Bien, si je te parle des applications agroalimentaires, si je te fais du riz, du blé, et tu sais pas exactement ce que tu fais, tu mets un truc au pif et que tu t'aperçois. Allez, hop. J'ai trouvé un bout d'ADN qui avait l'air sympa, je l'ai foutu dans le riz, puis maintenant je vais te le donner à manger. Ah bah merde, tiens, ça c'était un truc qui donne au virus du riz toutes les armes pour pouvoir attaquer l'intégralité des récoltes. Tu fais un peu la merde. Tu fais la gueule. Je suis en train d'imaginer un gamin qui est en train de taper au pif sur un piano, là. Voilà. Donc, autant se dire que, justement, de toutes ces applications où je vous montre la facilité de l'utilisation du système CRISPR, il faut s'imaginer la puissance qu'on a donnée à tous les laboratoires du monde entier en même temps et, pour l'instant, puisque ça fait depuis 2012, l'absence totale de régulation. Donc voilà. Allez, sur ces bons mots, je continue justement pour vous montrer qu'on peut faire encore d'autres choses, par exemple sur l'industrie agroalimentaire, par exemple des oranges avec plus de vitamines et des levures optimisées pour la production de biocarburants. Ça, ce sont les derniers projets. Maintenant, je vais vous parler d'un autre outil, parce que CRISPR peut être utilisé comme un outil, mais aussi comme une arme. Alors non, je ne vous parle pas de bioterrorisme, mais plutôt d'un moyen d'éradiquer des populations d'organismes nuisibles, comme des populations de moustiques porteurs de la malaria. Voilà, pour l'instant, vous avez l'impression de dire « c'est tout bonnard ». La technique employée s'appelle le Gene Drive. Alors, contrairement aux apparences, il ne s'agit pas du MacDrive du gène, mais c'est une technique permettant de propager un allèle dans une population sauvage. Donc une allèle, c'est une certaine copie d'un gène, une certaine version d'un gène, merci. Et donc, une version d'un gène peut être propagée dans une population sauvage grâce à cette technique du gene drive. Alors, je m'explique. Si vous chopiez un moustique par hasard et que vous altériez son génome pour le rendre, par exemple, moins nocif, vous le relâchez et il copule avec le premier moustique qui passe. Il ne transmettra normalement que la moitié de son génome. Vous avez expliqué que la plupart des organismes animaux sont diploïdes, et donc quand il y a fécondation, seulement la moitié du génome est partagée et se retrouve dans le zygote, dans la cellule œuf issue de la fécondation entre un mâle et une femelle. Donc votre altération génétique n'aura que très peu de chances de se propager dans la population. Cependant, des chercheurs ont mis en évidence, il y a pas mal de temps, que certains gènes arrivent très rapidement à se répandre dans des populations sauvages. On les a appelés, bien entendu, des gènes égoïstes qui arrivent à briser la règle de la répartition équitable des gènes entre le père et la mère. C'est-à-dire qu'au moment de la fécondation, alors normalement, vous avez une seule copie d'un gène du père et une seule copie du gène de la mère. Au moment de la fécondation, ces gènes égoïstes arrivent à se propager dans le génome de la mère et donc à donner un organisme dans lequel il y a deux copies du gène du père ou inversement. Parmi ces gènes égoïstes, il y a des gènes qui codent pour des nucléases. Et là, vous me voyez venir, la Cas9, c'est une nucléase. Donc, pour les nucléases, le mode de fonctionnement est le suivant. La nucléase coupe, et alors attention, il faut faire attention à tous les mots que je vais dire, la nucléase coupe spécifiquement la région correspondant à la séquence dans laquelle le gène s'est inséré. La nucléase coupe spécifiquement la région correspondant à la séquence dans laquelle le gène s'est inséré. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand la nucléase est insérée, la séquence cible de coupure n'est plus reconnaissable. Par contre, quand la séquence est intacte, donc généralement dans le chromosome qui est en face, donc si le gène s'est inséré dans le chromosome du père, la séquence en face de la mère est intacte. Et bah, du coup, le gène du père, le gène nucléase du père, va reconnaître la séquence de la mère, couper la séquence de la mère et s'insérer dans le chromosome de la mère. Et au moment de la fécondation, alors qu'il y avait un gène du père, un gène de la mère, au bout d'une division, il y a un gène du père, un gène du père, pour la nucléase, pour ce gène égoïste. Donc on a la possibilité d'avoir dès la première génération, donc dès la première copulation de ce moustique, propagation dans toute la progéniture uniquement des gènes du père pour cette nucléase. Du coup, on a une question des oui là-dessus. Ça peut servir pour la thérapie génique, du coup. Alors, le système CRISPR, oui. Mais là, ce que je vous dis, ça ne sert pas à la thérapie génique. Là, ça sert spécifiquement quand vous avez des organismes qui se reproduisent et pour la propagation dans une population. D'accord. Donc là, c'est uniquement la modération de populations sauvages. Donc des trucs qui ne sont pas dans des laboratoires, des trucs qui sont dans des D'accord. écosystèmes. Par contre, c'est typiquement le type de truc qu'on ne comprenait absolument pas quand on était dans une logique purement génique où un gène isolé ne peut pas se propager. Si, si. Si, ça se comprenait très très bien. On avait pas mal d'indications dans lesquelles on voyait qu'il y avait des séquences qui se propageaient dans un génome de manière ce qu'on appelle non mendélienne, c'est-à-dire de manière non transmission un gène du père, un gène du mère, ouais. de la mère. Ça, c'est ce qu'on observe pour les nucléases, ça c'est l'exemple que je vous montre là, mais c'est aussi le cas pour les transposons. Donc, c'est des éléments génétiques qui sont capables de se copier-coller partout dans le génome. D'accord. Donc là, en effet, ce sont des gènes égoïstes puisqu'ils se propagent dans un génome, etc. Et il y a plein d'autres exemples de gènes qui sont capables de favoriser leur transmission, d'où le terme de gène égoïste. Et les nucléases, surtout les nucléases qui visent la séquence dans laquelle ils se sont insérés, sont des gènes égoïstes. D'accord. Donc si vous faites votre système CRISPR-Cas dans un gène qui, s'il est muté, entraîne une diminution de, par exemple, de la qualité de la reproduction, bah vous avez un système dont la propagation est énorme et qui pourtant fait décroître la qualité de la population générale. À chaque fois qu'un mâle ou qu'une femelle se reproduira, il va transmettre cette décroissance de la capacité à se reproduire et ce sera obligatoirement propagé. Donc ça va se répandre dans la population aux dépens de la survie de la population générale. Donc en gros, on est capable, en quelques générations, d'éradiquer des populations, d'éradiquer, voire des espèces, quoi. Ah oui, d'accord. Donc d'où l'intérêt d'utiliser ça pour les moustiques. Parce que ça te permettrait de choisir typiquement Aedes aegypti, le moustique qui transmet la dengue et la fièvre jaune. Ouais. Et la malaria, ouais. Et la malaria, donc de zapper cette espèce-là de la surface du globe. Mais c'est super dangereux quand même, parce que vous vous rendez bien compte que si on perd le contrôle de l'outil, on va éradiquer des trucs qu'on n'avait pas prévus. Tant si on balance ça dans la nature, on ne sait pas comment ça va évoluer. Alors on sait très bien que ça peut avoir un impact très très néfaste sur les moustiques, Mais il y a tout à fait la possibilité qu'il y ait une mutation qui se propage dans l'ARN guide qu'on aura inséré et qui fait que la propagation ne se fera plus dans la séquence correspondant là où s'insère la nucléase, mais dans une séquence un tout petit peu à côté et qui pourrait, par exemple, porter un avantage aux moustiques. Voilà, il y a des questions de spécificité de l'outil. Combien de modifications est-ce que le système peut tolérer avant de reconnaître autre chose ? Et est-ce qu'il ne va pas, par principe, reconnaître plusieurs choses, dont c'est la séquence cible qu'on a choisie, mais d'autres qu'on n'a pas forcément choisies ? C'est une autre question technique de la méthode, ça. Donc la méthode de Gene Drive, elle a été prouvée scientifiquement sur des populations de drosophiles et de moustiques en laboratoire. Donc on sait que ça peut marcher, c'est-à-dire qu'on a éradiqué des populations de moustiques et de drosophiles en laboratoire. Très très facilement grâce à ce gene drive, mais on ne sait pas comment ça se pourrait se passer dans un écosystème. Alternativement, j'ai vu passer un article dans Passeur de Science ce matin qui disait que d'autres stratégies voudraient par exemple à rendre non plus d'une certaine manière la capacité de se reproduire des moustiques la cible de notre altération génétique, mais tout simplement le sexe de ces organismes-là. Ça revient peut-être au même, mais on n'est pas sûr, mais ça pourrait tout simplement... Parce qu'en fait, pour les moustiques, typiquement, c'est uniquement les femelles qui piquent les humains pour pouvoir prélever le sang. Et donc, on pourrait transformer certaines caractéristiques de la femelle pour les rendre mâles, comme par exemple l'attrait pour le sang, et faire qu'on ait des populations de moustiques qui vivent très bien, mais qui ne nous piquent plus. Ce serait pas mal. Mais bon, ça reste quelque chose qu'il faut peaufiner en laboratoire avant de les balancer comme ça dans la nature, même si c'est vrai que c'est très tragique, il y a énormément de gens qui meurent aujourd'hui dans le monde du paludisme. Bon, alors la plus évidente application pour la fin, la possibilité d'altérer le génome d'un organisme va nécessairement entraîner la question des applications thérapeutiques. Et donc la question c'est, peut-on utiliser CRISPR-Cas9 pour guérir des maladies génétiques par exemple ? Bah, là, par contre, on se retrouve toujours en face du même problème. Pour certaines maladies, on se confronte au problème de la modification apportée à plusieurs millions de cellules à la fois. Si par exemple vous avez une maladie génétique qui vous touche le cœur et que vous devez modifier votre cœur, vous devez modifier toutes les cellules de votre cœur. Donc c'est juste énorme comme quantité de cellules à modifier à la fois. Il faut trouver un moyen pour que votre technique CRISPR-Cas9 se retrouve à l'intérieur de chacune des cellules de votre cœur. Donc là, on parle de 10 ans de recherche environ. Alors, pas nécessairement 10 ans de recherche. En tout cas, on parle de méthodologie pour pouvoir apporter cette technique qui marche à l'intérieur de chacune des cellules de l'organe visé. Mais on a... Il n'y a pas que CRISPR. On n'est pas obligé d'utiliser CRISPR tout seul. Ouais. On peut coupler ça avec d'autres méthodes. Imaginez que vous ayez une maladie du cœur. Votre cœur est faible parce que génétiquement, vous avez un défaut qui rend votre cœur faible. Si on a CRISPR d'un côté qui permet de réparer des cellules, mais pas dans votre corps parce qu'il y en a trop... Mmh. Mais si à côté de ça, on a un outil qui nous permet de cultiver des cellules et de fabriquer des organes, ce qu'on peut faire, c'est vous prélever des cellules à vous, les modifier avec CRISPR, sélectionner celles qui auront donc un allèle qui vous rend pas malade, utiliser ces cellules-là, les cultiver pour en faire un cœur, et vous le greffer à la place du vôtre. Et là, l'avantage, c'est que vous n'avez absolument aucune possibilité de rejet d'un organe qui finalement ressemble à la petite modification près qui fait que vous aviez cette maladie génétique qui vous entraînait à avoir un cœur malade. Donc ça, pas ça mal. C'est une approche. C'est une approche. Et encore, il y a encore énormément de boulot. Et à côté du fait qu'il va falloir réussir à faire un cœur qui soit de la bonne taille, de la bonne tout à fait. Ça, c'était dans l'idée qu'on n'est pas obligé d'utiliser CRISPR tout seul. Il y a aussi d'autres technologies qui sont en train de se développer. Non, mais à l'heure actuelle, quand même, il y a un article qui est paru justement sur la greffe d'un avant-bras de rat après avoir dissocié des cellules de rat pour pouvoir reconstituer à travers une sorte de moule de culture en forme de bras, un bras de rongeur, et qui semble plus ou moins fonctionnel. Donc bon, peut-être qu'on n'arrivera pas à faire un cœur exactement de la même forme que votre cœur d'origine, mais s'il est fonctionnel et qu'il marche mieux qu'un cœur robot, etc., et qu'en tout cas, il n'y a absolument aucun problème de rejet de greffon, on est peut-être vers une bonne piste. Même si c'est quand même très très compliqué. Alors je vais juste rentrer dans les thérapies qui sont les plus prometteuses. Peut-être que tu vas en parler. Les thérapies, pour moi, les plus prometteuses, pour l'instant, ce sont les thérapies pour lesquelles on peut prendre des cellules, les isoler et les réintroduire dans le cœur et remplacer toute une population de cellules à la fois. C'est par exemple les cellules, les globules rouges. Les globules rouges, en fait, qui circulent à l'intérieur de notre corps, elles ont une origine, c'est la moelle osseuse. Et si on change toutes les cellules de la moelle osseuse, on peut drastiquement, d'un coup, changer toutes les cellules, les globules rouges qui circulent dans notre corps, d'un seul coup. Et donc, si on crisperise des cellules de moelle osseuse et qu'on les réintroduit dans le corps, on a la possibilité d'avoir, par exemple, la guérison de certaines anémies génétiques comme la trépanocytose, la thalassémie, etc. Donc, ça a un pouvoir énorme. Et il y a un autre type de cellules qu'on peut prélever du corps et qui sont uniques et qu'on peut modifier, c'est les cellules germinales. Mais alors là, on ne rentre plus dans la thérapeutique. Là, on rentre dans la modification d'un génome pour pouvoir parfois pallier à des modifications qui évoquent des maladies génétiques. Par exemple, on peut à l'avance faire que votre enfant, si on modifie votre sperme ou si on modifie votre ovule ou si on modifie on réalise un CRISPR de la cellule œuf qui est générée entre le lien entre le spermatozoïde et l'ovule, donc le zygote. Si on modifie le zygote et qu'on le rend d'une certaine manière non mutant pour la drépanocytose, on peut obtenir un enfant, ensuite par IVG, qui sera non atteint de drépanocytose. Pas par IVG. Non, pas par IVG. Putain, par fécondation artificielle. Par insémination artificielle. Insémination artificielle. L'IVG, c'est l'inverse de faire un enfant. C'est l'inverse, tout à fait. Imaginez, pour donner un exemple, imaginez que on vous découvre, à vous, un facteur de risque génétique très important pour un cancer. On vous dit, étant donné vos allèles à vous, FIV, merci. Vous allez développer un cancer. Mais vous voulez avoir des enfants. Là, vous avez, avec des outils comme ça, vous avez une espèce de dilemme moral. Vous vous demandez, est-ce que je pourrais pas protéger mon enfant de ça en faisant modifier l'embryon de manière à ce qu'il n'hérite pas de ce facteur de risque? Mais si vous faites ça, vous voulez aussi que la technique elle soit au point. Vous voulez pas que ça introduise d'autres modifications non voulues. Donc c'est vraiment... Et d'autre part, on ne demande pas du tout la vie de l'enfant. Voilà, on ne demande pas non plus la vie. Pardon. On ne demande pas la vie de l'enfant en faisant ça, quoi. C'est là qu'il y a des questions éthiques, philosophiques. On prend des décisions sur le génome des générations d'après. Ça devient vraiment lourd comme enjeu. Au-delà même de ces décisions philosophiques, etc., qui ont l'air d'être plus de la réflexion, c'est qu'on... On a très peu de connaissances des effets secondaires d'impact de ce que vous proposez là, quoi. Alors, pour la plupart de ces modifications, que ce soit la drépanocytose ou des trucs comme ça, a priori, il y a peu de chances que l'impact soit vraiment au détriment du contexte. Cependant, ça existe, et c'est ce qu'on appelle le contexte génétique de l'organisme, et on ne peut pas le prédire véritablement quand on fait rencontrer un spermatozoïde et un ovule, parce qu'il faudrait séquencer le génome et se rendre compte exactement qu'est-ce que ce contexte génétique va faire par rapport à telle mutation. Pour des mutations du genre drépanocytose, a priori, c'est probablement tout bénef. Mais pour des modifications plus triviales, genre la couleur des yeux, ou je sais pas moi, la longueur des poils qui poussent à travers les oreilles, etc., ça, on ne peut pas vraiment se rendre compte avant d'avoir testé de l'impact que ça peut avoir. Et ce sera systématiquement un impact individuel, puisque c'est un contexte génétique à chaque fois différent. Et c'est peut-être même une sorte, un des problèmes, en fait, c'est que c'est encore très jeune et on joue aux apprentis sorciers, finalement. Enfin, je fais exprès de faire la métaphore fameuse, quoi, mais qu'on a envie de l'appliquer tout de suite, alors qu'on se rend compte qu'il y a plein de zones d'inconnues. Ça ne veut pas dire que c'est une belle technologie, mais... que c'est quand même encore un sacré foutoir au niveau compréhension et que ça peut avoir des implications qui sont délirantes. Au niveau de compréhension, oui, et je voulais finir justement mon dossier là-dessus, c'est qu'au niveau technique, là, en avril 2015, une équipe de recherche a annoncé la faisabilité de la procédure de CRISPR-Cas, donc de la modification génétique, sur le génome d'un embryon humain. Donc on y est, en fait. On sait qu'on est capable de le faire. Et c'est là qu'on peut se rendre compte de toute la discussion qu'on peut ouais, avoir c'est ça, à ce niveau-là. La faisabilité est trouvée. Ça pose énormément de questions. Alors, il vous reste combien de temps là, pour finir le dossier là? Ça y est, c'est bon. D'accord, super. Donc on peut rentrer dans des discussions un peu plus ouvertes. pour moi, les choses que ça ouvre qui sont pas simples du tout, il y a d'abord et premièrement pour moi ces histoires d'effets secondaires et de compréhension qui sont même avant toute réflexion éthique, etc. C'est dire est-ce qu'on a vraiment envie de foutre la charrue avant les bœufs ? Est-ce qu'on a envie vraiment de y aller et de se rendre compte a posteriori des problèmes, éventuellement même des problèmes quand ils deviennent incontrôlables, au sens un peu des gens qu'on va créer qui auront des problèmes, qui auront des effets secondaires qu'on ne remarque pas tout de suite, vont se reproduire et vont répandre, et peut-être que ça aura un impact ouais. non... Ouais, c'est ça qui est énorme. C'est ça que je veux dire par le côté... voilà. Ça, c'est la première chose qui me pose problème. Le deuxième chose, c'est de dire... là, on a une image depuis quasiment 10 minutes dans la chatroom qui est bienvenue à Gattaca. Ça fait vraiment penser à ça. C'est vraiment à dire, bon, bah, super, on a tous les outils pour être dans une optimisation de l'humain qui va aller vers est-ce qu'on va faire que des clones et du coup avoir une sorte de génome qui se dégrade parce que bah, on n'est qu'en train de se reproduire entre clones, quoi. Bah, en tout cas, justement, c'est ça qui est important, c'est que de se rendre compte qu'on est très très loin d'avoir que des clones. Pour l'instant, la seule chose qu'on est capable de voir, c'est qu'on est capable d'altérer un génome localement à divers endroits pour altérer des gènes pour qu'ils ressemblent peut-être plus à quelque chose de vivable. C'est le cas pour la drépanocytose, mais ça peut être aussi des critères totalement différents, mais ça va être des altérations ponctuelles. En fait, le plus grand danger, c'est de se rendre compte qu'on ne sait pas qu'est-ce que fait les 2 milliards de bases ou 3 ou 4 milliards de bases autour vis-à-vis de l'altération qu'on introduit. Oui, c'est ça. Il y a aussi la question technique toute simple de savoir si, quand on va introduire une altération là où on le souhaite, ouais. est-ce qu'on n'en introduit pas une autre ailleurs ? Parce que la reconnaissance, cet ARN guide, il fait, la séquence de reconnaissance, elle fait 20 paires de bases. C'est minuscule. C'est une combinaison aléatoire de 20 paires de bases, on va en trouver des milliers dans un génome. Peut-être des milliers, mais justement, il y a en fait c'est 20 plus 3 paires de bases parce que c'est ciblé. Ouais. Et donc, en gros, on peut avoir énormément de séquences qui sont concernées pour 20 nucléotides qui seraient mal choisis et d'autres qui seraient très très très spécifiques. L'important, c'est de se rendre compte que puisque c'est pas cher, puisque c'est accessible à énormément de laboratoires, en fait, le droit à l'erreur s'est ouvert à tous les laboratoires du monde. Et donc, ce que je disais tout à l'heure mais sur c'est les... Ça. Et pour aller plus loin, avant de te laisser continuer là-dessus, moi, ça me donne envie aussi de rapprocher un peu ça d'une autre tendance qui a l'air d'être en train de changer complètement la face, pour le coup, de la médecine, mais aussi un peu de la biologie, quasiment, j'allais dire, par effet ricochet, mais par effet même direct, qui est le phénomène Big Data, de voir des corrélations entre ce qu'on appelle des signaux faibles, enfin des corrélations qu'on verrait pas forcément à l'œil nu. Tout à fait. Là, avec une méthode qui est aussi simple à mettre en œuvre, on pourrait se dire, bah, on met en place des automates qui vont faire un peu aléatoirement ou selon des statistiques big data, des expériences de corrélation entre modifications d'ARN et compagnie, et on va... Quand tu disais on fait une modification ici puis on regarde ce qui se passe, là on y a l'air beaucoup plus en mode bourrin, on en fait 1 million dans des endroits très variés et on regarde les conséquences de ces trucs-là. Alors on ne peut pas faire 1 million de modifications comme ça sur enfin pas sur un, mais je veux dire 1 million de modifications différentes sur 1 million oui. d'organismes et d'accord, puis on regarde oui, ce qui se passe statistiquement. Quoi. Certes. Alors juste pour aller un tout petit peu dans le sens de ce qu'a dit Adrien, quand on parle de modifications qui ne sont pas spécifiques, il y a certaines études qui ont montré que les mutations non spécifiques peuvent varier de 0,1% du génome, c'est-à-dire qu'on tape sur 2 ou 3 endroits différents de là où on ciblait, jusqu'à 60% du génome qui sont concernés par une attaque non spécifique. Donc c'est juste énorme. Donc c'est en gros, si on choisit mal ces 20 nucléotides, on peut faire des conneries monumentales. Et quand on dit des conneries monumentales, c'est généralement entraîner des cancers. Quand tu dis ça va de 0,1% à 60%, enfin oui, donc en gros ça va jusqu'à 60%. Voilà, ouais. Non, ouais, bien sûr. Non, mais, et c'est là qu'il y a ce que je disais tout à l'heure sur les standards de la génétique. On a ces standards qui sont établis déjà chez les organismes modèles. Et c'est bien en fait qu'on soit obligé d'aller jusqu'à ces standards-là quand on chope des nouvelles espèces, parce que ça veut dire qu'on doit essayer de regarder à quel point l'outil est spécifique. Il y a des gens qui sont en train de tester, de dire oui, ben voilà, vous vous excitez sur ce truc, mais il y a forcément des désavantages. Il y a des gens qui essayent de dire c'est peut-être un peu pourri en fait. Justement, du fait de la facilité à mise en œuvre et du faible coût, enfin, c'est bien qu'il y ait des gens qui éthiquement se disent c'est cool et compagnie, mais il y a forcément des gens qui en ont rien à foutre et qui se disent super, je vais avoir la bombe génétique inespérée et je vais. Alors on pourrait penser le moment où les Zingfinger nucléases sont sortis et les Talens sont sortis, les gens ont dit dans pas longtemps on va avoir des Zingfinger nucléases ou des Talens qui vont cibler telle ou telle protéine, parce que c'était très très utile pour pouvoir modifier des gènes. Le fait est que ça s'est pas fait, hein, parce que c'est coûteux, etc. Même si c'est pas coûteux, le simple fait que tu dises à n'importe quelle entreprise, genre, si vous faites mal vos ARN guides, vous pouvez modifier 60% du génome de votre patient, c'est bon. Les gens sont là genre, hop, on va s'arrêter, on va réfléchir, on va essayer de trouver un moyen d'optimiser la spécificité du système. Il faut avoir confiance quand même dans les industriels. Faut avoir confiance dans l'industrie médicale et dans l'industrie agroalimentaire. En fait, ce que je dis, c'est que l'industrie a plus peur de tuer 60% de ses patients que de faire la modification. Je sais. Honnêtement, je sais pas où en est l'industrie. La plupart des entreprises qui ont été fondées à la base de cette que ce soit des entreprises thérapeutiques agroalimentaires qui veulent utiliser le système CRISPR, ce sont souvent des industries qui ont été fondées par des scientifiques. Donc pour l'instant, la seule confiance que tu peux avoir, c'est qu'ils aient gardé une certaine rigueur vis-à-vis de leur background. D'accord. Mais c'est la seule chose que tu peux avoir comme confiance. Voilà, je voulais juste dire que la confiance, c'est bien, mais on ne peut pas se permettre de faire confiance. Parce que des malades, il y en a. Clair. Il faut qu'il y ait des lois éthiques, il faut qu'il y ait un questionnement à une échelle vachement grande et qu'on donne des réponses, qu'on fasse des lois éthiques pour ça. Donc moi, mes questions éthiques que je me suis posées, c'est par exemple pour le Gen Drive, c'est très très simplement, qu'est-ce qu'une altération du case system peut faire sur le monde. En gros, tu enlèves une espèce, qu'est-ce qui nous dit qu'on sait ce qui va se passer en enlevant une espèce ? Tu tues une espèce, on sait très bien faire, hein, ça, les humains, mais généralement, on voit moins l'impact que ça peut avoir. On est en train de jauger plus ou moins ce que ça a fait sur certains écosystèmes, par exemple. Et puis, il y a plein de gens qui nous disent, dès que les abeilles seront mortes, dans 5 ans, on sera tous morts. C'est pas exactement le cas. Déjà, toutes les abeilles sont mortes. Il faut se rendre compte qu'il y a près de centaines de milliers d'espèces d'abeilles. Donc, les gens qui disent ça, généralement, ce sont pas des gens qui sont éduqués sur l'entomologie vis-à-vis de ce concept-là. Et surtout, sur le concept de pollinisation. Répète bêtement. Non, mais ça, c'est important parce que justement, ça montre à quel point l'impact sur l'écosystème n'est pas jaugé. Parce que ça, tous les gens ont la flip pour les abeilles parce qu'ils se disent « Ah, c'est le pollinisateur !» Et du coup, si ça disparaît, ça va entraîner une catastrophe. Or, ce n'est pas véritablement le cas. Mais par contre, quand on enlève un prédateur de telle ou telle espèce de rongeur sur une île, là, on ne se rend pas compte, mais on peut éradiquer toute population de végétaux sur une île, comme ça a été fait en introduisant des lapins sans prédateurs sur certaines îles au large de l'Australie et dans lesquelles on a enlevé toute la flore locale, à part quelques herbes. Donc voilà, en gros, on ne sait pas très très bien ce que peut avoir comme impact la suppression de telle ou telle espèce. Donc ça peut être très très très très rapide. En gros, on enlève le moustique, on enlève la malaria, qu'est-ce qu'on enlève derrière ? Qu'est-ce qu'on favorise derrière ? On ne sait pas. C'est de ne pas sous-estimer les effets secondaires. Voilà. C'est très économique et ça va vite. Et du coup, un des scientifiques qui s'appelle Bo Huang et qui est derrière la technologie CRISPR se demandait... Puisqu'il y a cette mentalité d'aller... que du fait que ça marche... On ne doit pas comprendre et on ne doit pas se demander comment ça marche. Quel peut être l'impact de cette mentalité ? Chez les scientifiques, généralement, ce n'est pas en vogue, mais chez les agroalimentaires, c'est très, très, très en vogue de ne pas se poser des questions sur si je ne comprends pas comment ça marche, est-ce que je dois l'utiliser ? L'exemple du yaourt, c'est flagrant. Ouais, hein, ils n'en avaient rien à foutre de savoir comment ça marche. C'est une vraie question qu'on est aujourd'hui à une époque où... c'est pour ça que je parlais des big data, qui n'étaient pas un lien anodin. C'est que dans les big data, on fait du machine learning, où on a des machines d'apprentissage. Au final, on ne comprend pas pourquoi ça marche. Voilà, juste, on a fait apprendre des ordinateurs. Alors, ça marche vachement bien pour plein de trucs. Et la vraie question, c'est que là, en bio, est-ce qu'on a envie de ça ? Est-ce qu'on a envie de moins... pas trop se poser de questions, et est-ce qu'on a envie d'y mettre toute l'industrialisation qu'il y a derrière ? Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui, moi, je trouve très intéressant dans ce que vous présentez, et parce que j'y mets un lien avec la médecine, c'est qu'il se trouve que la pratique de la médecine, surtout à notre époque, est une pratique qui est une des plus arriérées, enfin, qui n'a pas encore subi sa révolution technologique. C'est clair. J'entendais un podcast qui s'appelle... C'est pas une modification technologique, c'est une modification d'état d'outils, d'esprit. Mais oui, d'état d'esprit et d'outils. Mais ce que je veux dire, j'entendais un podcast récemment qui s'appelle Book Lab, qui est un très bon podcast qui parle de bouquins de science, et qui disait, on est en train aujourd'hui, sur Amazon, on commande n'importe quoi. Par contre, quand on doit prendre un rendez-vous chez le médecin, on passe un coup de fil, on a une standardiste qui nous donne les champs libres minutes pour appeler le médecin. Mmh. Donc on est encore dans les années 50 pour réserver son rendez-vous chez le médecin. Par contre, on est quasiment 10 ans en avance sur plein de choses, commander, je ne sais pas, un livre de cuisine, une table ou quoi que ce soit. Et là, ce que vous êtes en train de présenter là aujourd'hui, c'est un truc où on se dit, putain, on va pouvoir prendre un gap de vitesse sans même attendre les gens qui sont très réfractaires et peut-être pour des bonnes raisons, pour des raisons éthiques, pour des raisons philosophiques, etc., disant n'allons pas trop vite. Là, on s'en fout, c'est pas cher, on peut y aller. Et c'est ce que tu disais, c'est de dire, en fait, il y a n'importe qui peut se dire, avec un petit peu de fond quand même, parce que même si ça coûte rien, ça coûte d'avoir un labo, allons-y gaiement, essayons de faire avancer et en mode privé. Et je m'en fous de ce que pensent les autres à côté dans la communauté scientifique, parce que moi, mon but, c'est de faire avancer ce truc-là. Quoi. C'est pour ça qu'il faut des lois éthiques. C'est pour ça qu'il faut que ce soit discuté rapidement avant que... Parce que la technologie, elle va super vite. Est-ce que c'est pas trop tard, là, du coup, de ce que vous racontez ? Alors, il y a un truc aussi que je vais rajouter juste pour nous foutre encore plus la flip, c'est vis-à-vis, justement, des modifications qui sont générées par CRISPR. Quand on a un organisme modifié génétiquement, là, je parle de l'agroalimentaire, on a des traces de sa modification. Donc, d'une certaine manière, on peut savoir parce qu'il y a des traces des virus et des bactéries qui ont permis la confection de l'organisme modifié génétiquement. Avec CRISPR, il y a zéro trace. C'est-à-dire que là, on peut bouffer une carotte, ça se trouve, elle a beaucoup plus de vitamines que d'habitude. Nous, on ne voit pas la différence. Et si tu séquences le génome de cette carotte, tu ne pourras pas savoir si c'est un organisme qui a été modifié par CRISPR. Il n'y a aucune traçabilité. Sauf si technique. Un jour on trouve des effets secondaires qu'on arrive à tracer. Il n'y a pas de traçabilité. Si tu fais de la recombinaison homologue et que tu insères un morceau d'ADN exogène, tu vas pouvoir le retrouver. Si tu le sers exogène. Pas. Ouais, voilà. Oui, mais si par exemple, là je te fais une carotte qui est plus riche en vitamines parce que tu as modifié, juste parce que tu sais comment ça fonctionne, tu as modifié la composition de ces séquences qui permettent d'augmenter la production de vitamines. Tu ouais. ne verras rien. Oui, ça passera pour un variant génétique naturel, en fait. En effet. Juste comme l'heure avance, je vais proposer de commencer par les quelques questions de PS. Alors, il n'y en a finalement pas des tonnes, je crois qu'il y en a 3-4, mais qui sont intéressantes. On a une question de Billy d'abord qui était très tôt, donc sans doute qui va rappeler des choses, mais ça ne fera pas du mal de retaper. C'est pourquoi certaines bactéries ne survivent pas au virus et d'autres, oui, toutes les bactéries n'ont pas CRISP. Je pense que ça faisait allusion au début. On avait commencé à répondre. En effet, toutes les bactéries n'ont pas CRISP. Peut-être que tu veux rajouter des informations. Non. Bah, en gros, on a trouvé aujourd'hui, en séquençant le génome de bactéries, que 40% des bactéries dont on connaît le génome ont le système CRISPR. On ne sait pas d'où il vient, le système CRISPR. On ne sait pas si c'est quelque chose d'ancestral aux bactéries. Parce qu'en fait, on le trouve dans les bactéries, mais on le trouve aussi dans un autre domaine du vivant qui s'appelle les archées. Chez les archées, on le retrouve à 90% des génomes des archées. Ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on ne connaît pas beaucoup les archées. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est quelque chose qui existait depuis le début du vivant, pratiquement, et qui a disparu dans la plupart des organismes, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est propagé dans le vivant ? D'accord. Sachant que ça a une propension à se propager assez facile, ce que vous racontiez. Hein ? Ça a une propension à se propager assez facile. Dans le cas du gene drive, mais dans le cas du gene drive, je ne suis pas sûr que ça fonctionne exactement dans la configuration du système en entier. Sinon, c'est pas une question, c'est une remarque, mais que je trouvais pas inintéressante. C'est pour ça que je l'ai reporté, qui n'était pas dans un ad-PS habituel. C'est, je redoute quand même le jour où les médias grand public apprendront l'existence de CRISP. Bah, déjà, ils nous mettront des paquets de chips à chaque fois qu'ils vont en parler. Déjà, mais j'imagine. Mais nous, déjà, on a fait la blague avant. Copyright. Je pensais plus au titre, parce que là, de ce que vous racontez, c'est vraiment du genre on peut remodeler le vivant comme on a envie. Enfin, si on se prend pour un média grand public, là, c'est la fête. Quoi. Ah c'est... ouais, BFM TV, ça va craquer. Là, ah ça. Oui, non, là, c'est simple. Et sinon, dans les questions, on a déjà parlé un peu, je crois que c'est une question de pouce. Mmh. Les questions sensibles sont sensiblement les mêmes que les OGM, les impacts de générations futures, l'aspect doigt de Dieu des chercheurs, etc. C'est un peu ce que vous aviez dit à un moment, que finalement les organismes non génétiquement modifiés permettaient de dire non, c'est pas des OGM, mais dans les faits, c'est pas très loin, quoi. Enfin, le terme OGM, on a déjà fait une émission, on nous a dit que c'était un terme très valise, au final, ça pourrait rentrer dedans. Bah oui, si on fait une modification du génome, oui. Mais c'est le cas des espèces qui sont sélectionnées aussi. Oui, voilà. Ouais. Après, Il y a différents types. Si on fait une modification pour transformer un allèle qui existe en un autre allèle qui existe, ce sera intraçable. On n'aura pas créé quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si ça rentre dans la définition d'un OGM. Mais si on introduit un nouveau gène, ça c'est typiquement ce que fait l'industrie agroalimentaire déjà maintenant avec d'autres outils. Si on introduit un nouveau gène dans le génome d'une espèce pour la rendre résistante à un prédateur, pour la rendre résistante à des pesticides ou pour la rendre plus productive, là, on se retrouve finalement, le résultat est le même qu'avec les techniques OGM d'avant. Alors, le résultat n'est pas véritablement le même parce que avec la technique CRISPR, on peut cibler exactement l'endroit où on introduit ça. C'est vrai. Et donc, non, mais ça change les choses. Donc, c'est meilleur que les OGM à l'heure actuelle. C'est une meilleure fonctionnalité si, bien sûr, on vérifie la spécificité de l'introduction des séquences qu'on introduit. Et du coup, c'est peut-être plus sûr. Mais par contre, ça reste traçable. Voilà, ça reste traçable. Sur la définition des OGM, j'invite plus que jamais à réécouter notre épisode sur les OGM où on voyait surtout que c'était assez dur, enfin très mal défini. Et en général, c'était un mot valise utilisé un peu pour n'importe quoi. Là, j'ai un peu l'impression que finalement, le terme sur lequel on se retrouverait serait de dire que c'est humainement modifié, en tout cas. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais humainement modifié, c'est le cas aussi des espèces comme des carottes qui sont oranges parce que uniquement les sélectionneurs voilà, ont choisi que ça devait être orange. La différence avec tout ça, c'est que la constante temporelle pour faire la chose n'est pas la même dans tous les cas, quoi. C'est-à-dire quand on a été transformer le blé, on a mis plusieurs siècles. Là, pour transformer les CRISPR, on met quelques mois ou... À part quand on introduit des séquences véritablement... Si tu prends, je sais pas, une séquence de poulpe et que tu les mets dans un truc de blé, a priori, il y a très peu de chances que ce soit fait naturellement. C'est uniquement l'intervention humaine qui aurait fait ça. Quoi que tu fasses, ce ne sera pas été possible. Ça n'aurait pas pu arriver. Enfin, en fait, enfin, ça aurait pas pu. Ça aurait une probabilité très rare, très, voilà. Très petite. Si on veut être très, très, très précis... Voilà, ben, super. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Enfin, c'est hyper intéressant. J'ai l'impression qu'on pourrait durer des heures à débattre là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on s'est pas trop préparé à débattre là-dessus. Donc, Johan, t'as bien un mot ? Juste avant de finir, on a eu un petit email d'Alan pour ne pas faire oublier que, en fait, ce sujet est venu d'une intervention de Nicolas Prévost. Oui. Qui nous a soufflé le sujet de ce soir. Mm-hmm. Donc, il nous envoie un petit message. Mon nom est Nicolas Prévost. Il est chercheur post-doctorant en immunologie à l'Université d'Oxford. J'aimerais vous suggérer de faire un épisode sur une technologie qui est en train de révolutionner la biologie. C'est une découverte relativement récente qui permet, en utilisant un enzyme d'origine bactérienne et un ARN guide, d'éditer, d'altérer un génome murin/humain de façon précise et rapide. Cette technologie se fait appeler CRISPR/Cas9. Il est vrai que cela est encore relativement récent et encore en développement, mais le potentiel est tout simplement incroyable. Et il serait bon de vulgariser, dans le bon sens du terme, la technologie aussi vite que possible afin que le grand public puisse comprendre ce qui peut en découler. Voilà, faut que c'est aussi pour ça que c'est important qu'on fasse ça, pour que les gens soient au courant, parce qu'il faut qu'il y ait des décisions éthiques qui soient prises, alors, faut qu'il y ait une consultation. Là-dessus, je vais justement rajouter deux mots, quitte à me fâcher avec Vran et Adrien. Dans Podcast Science, on parle très très peu de découvertes scientifiques ou d'avancées scientifiques contemporaines. En fait, finalement, on parle beaucoup de choses qui sont assez vieilles, voire complètement accepté par la très grande majorité de la communauté scientifique. Donc là, on a fait une petite entorse, c'est-à-dire qu'on parle de choses qui sont assez récentes. Mm-hmm. Faut pas oublier que c'est aussi possible que dans 5 ans, on se rende compte que c'était une grosse connerie et que c'était du grand n'importe quoi, que c'est possible. On a quand même des résultats, ça n'empêche pas. Enfin, je vais te laisser me contredire, hein, Pierre. Non, là-dessus. Mais non, c'est juste de dire. Adrien sera plus à même de répondre. Je vais vous laisser me contredire, mais c'est juste rappeler, c'est de la science contemporaine. La science contemporaine, ça veut pas dire les scientifiques ont une méthode. Ils font pas n'importe quoi. Par contre, il arrive très très très souvent qu'on se rende compte que bah, des choses qu'on était en train de faire, même si toute la communauté y croyait, étaient des choses qui donnaient très envie, qui étaient très enthousiasmantes et qui finalement bah, retombaient comme un soufflet. Donc il faut faire attention et justement quand on rigolait avec les médias type BFM, il ne faut pas tomber dans le « c'est génial, on a trouvé la solution parfaite mmh. ». Mais juste, il y a un truc encourageant, il y a des choses intéressantes, il y a des questions éthiques à se poser. Mais c'est de la science contemporaine, donc il faut souffler un petit coup. Non, d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord. Et on le disait tout à l'heure, on n'est pas encore capable du tout d'aller réparer un cœur dans le corps d'une personne. Il y a des barrières techniques qu'on n'a pas encore dépassées. Mais on a déjà modifié des génomes d'un nombre monstrueux d'animaux. Et comme Pierre le disait, il y a déjà des gens qui ont montré que c'est possible de modifier le génome d'un embryon humain. Donc la technique, elle est là, ça a été fait, c'est accessible. C'était pas facile. Si on peut apporter des limites techniques, c'était pas facile. Mais à la question, est-ce que c'est vrai ? Dans le sens, est-ce que le système CRISPR-Cas permet de couper spécifiquement de l'ADN ? Ça, depuis 3 ans, et grâce justement à toutes les avancées qui ont précédé sur le séquençage de génome massif, sur la compréhension des mécanismes de coupure d'ADN, sur tout ce qui intervient in vitro pour pouvoir visualiser justement même le cassage de l'ADN, ça on est sûr. Ouais, tu as raison de préciser. En fait, c'est pas sur la question et sur la vérité que je peux poser, parce que c'est là où je disais, les scientifiques ont une méthode scientifique, donc ils font attention à essayer de répondre à leurs questions et d'avancer dans ce sens-là. Je revenais plus sur... ça me fait penser à un strip XKCD qui, comme on va passer aux côtes, qui est quasiment un peu une transition joyeuse. Un strip XKCD où il disait « J'ai trouvé un truc merveilleux qui tue toutes les cellules, etc. Machin, enfin en gros qui nous sauvait de toutes les cellules cancéreuses, etc. » Et tu le voyais avec un pistolet en train de viser une cellule. C'est juste de dire « Oui, c'est vrai que ça permet plein de choses qui ont été démontrées. » Derrière ça, rien n'empêche que finalement, au niveau impact, en particulier au niveau humain et en santé, quand vous parlez de changer un cœur, bah finalement, on se rend compte devant une impasse qu'on mette, soit qu'on n'arrive pas, et en fait qu'on n'arrive pas, ça veut dire qu'on mette des siècles à dépasser, quoi. Oui, c'est possible. Voilà, je veux juste mettre un biais, juste à dire, c'est de la science contemporaine, et on n'a pas l'habitude d'en faire dans Podcast Science, on a tendance à vous dire des trucs où vous pouvez un peu nous faire confiance et considérer que c'est vrai, c'est figé dans le marbre, ce qui en général est vrai quand on parle d'électromagnétisme, etc. Pour CRISPR, il y a des choses qui sont vraies, c'est ce que disait Pierre, il y a beaucoup de choses qui restent à faire et à avancer, et c'est pas fini, quoi. Mais par contre, les craintes sont excessivement fondées, et en ça, je pense qu'il peut être très intéressant justement d'en parler dans Podcast Science, notamment Doudna, une des personnes qui a conçu cette technique, qui a compris que ça pouvait être une technique, elle-même a été effarée de s'apercevoir que, par exemple, dans le premier symposium parlant de CRISPR, elle a vu un postdoc venir vers elle et lui parler de sa technique, qui a été d'introduire la séquence Cas9 plus ARN guide dans un virus pour transmettre de manière aérienne le virus dans les parties aériennes, dans les poumons d'une souris. Quand tu dis de manière aérienne, c'est-à-dire qu'elle transmettait un gaz, globalement ? Donc tu mettais un aérosol dans qui permettait justement de transmettre le virus avec les séquences Cas9 et ARN guide dans les poumons de la souris, qui était l'organisme modèle utilisé, pour se rendre compte des modifications qui pouvaient avoir lieu dans les voies respiratoires de la souris. Mmh. Quand elle a entendu ça, elle était là, genre juste, non mais le mec, c'est un postdoc, il a zéro régulation derrière, s'il fait une connerie sur ça, mais même une connerie dans le sens en manipulation, sur les ARN guides qu'il utilise, il aurait pu concevoir à ce moment-là, dans son laboratoire, un virus capable de viser, mutagéniser n'importe quoi. Voilà, capable de muter des séquences de l'humain. Parce que CRISPR, c'est ça, c'est un outil qui génère des mutations. Et le gars, il avait mis ça dans un virus. Et le virus, il a sa propre machinerie, il peut se transmettre. Et il avait fait ça dans un virus qui se transmet par l'air. Donc le gars, il avait pratiquement créé un gaz mutagène. Ouais. Et ça, c'est le... Voilà, tu vois, c'est... Donc, c'est... On va peut-être pas sauver les gens. Bon, les craintes, c'est, tu vois, l'apocalypse de zombies, elle est là, tu vois. Non, bon, de toute façon, c'est ce que je disais. Enfin, je suis un pauvre matheux qui trouve ça passionnant. Donc, autant dire qu'il y a moyen qu'il y ait d'autres gens qui trouvent ça encore plus passionnant. Donc, il va juste falloir s'arrêter parce que là, ça fait 2 heures, je crois, qu'on est en train de... Putain, mais j'avais dit, le record, c'était 3 heures. Sur l'évolution. Non, mais on pourrait en parler 3 heures, hein, mais c'est vrai qu'on est moins bon sur les débats éthiques et compagnie. Je pense qu'on a compris un peu tout l'encadrement. C'est extrêmement intéressant. Ça valait le coup, en effet, d'en parler. J'espère qu'on va avoir des réactions, n'hésitez pas à réagir, on en parlera dans le freestyle, et voire même on pourrait éventuellement en faire une émission s'il y a vraiment plein de questions sur le sujet, parce que ça remet en cause beaucoup de choses. Je reviens quand limite vous on voulez. Pourrait faire On pourrait faire un débat évolution V2 en disant, introduisant des choses un peu plus compliquées encore, quoi. Parce que quand on a fait le débat sur l'évolution, il n'y avait pas CRISPR. Et là, on se rend compte que ça peut être encore plus bordélique qu'à l'époque. Bon, il y a un peu d'intention. Alors là, il va falloir que je fasse un petit peu ma biblio là, sur le c'est coup. Ça. C'est l'invité des anti-OGM en plus. est-ce que je ne sais pas si vous avez autre chose à raconter, sinon on passe à la quote peut-être pour essayer de reprendre un fil à cette émission. Je sais qu'il y a tout plus de dictateurs regrettés, mais est-ce que vous avez amené une quote? Non, désolé. Non. Mais à l'INB, on avait et justement, en fait, on a une responsable côte maintenant qui s'appelle Aline B et qui nous en a envoyé 5 ou 6. Je commence par la plus courte. La médecine fait mourir plus longtemps. Bon, en fait, on l'avait déjà dit pour l'histoire de la médecine, mais elle est très sympa. Et assez vraie. On en a une d'Iber Reeves qui dit « La science moderne est un admirable monument qui fait honneur à l'espèce humaine et qui compense un peu, entre parenthèses, l'immensité de sa bêtise guerrière. » Oh, celle-là est pas mal, de Jean Lefebvre. « La physique mathématique et la biologie moléculaire sont la poésie d'aujourd'hui. Ce sont elles qui traduisent et façonnent le monde et elles qui soulèvent chez les jeunes gens l'enthousiasme qui venait hier des poètes. » Merci Aline, en tout cas, parce que quand nos invités ne font pas leur job, tu es là. Désolé. Non, ça va. Le dossier était super intéressant. Je ne sais pas si c'est ton domaine de travail ou pas. Bah oui, moi, je l'utilise un petit peu. D'accord. Comme je disais, moi, je fais de la génétique. Ouais, du coup, ça s'est répandu en fait sur tous les gens qui faisaient de la génétique, finalement. Quoi. Même toi, tu as eu à en faire aussi, Pierre? Bah, disons que là, à l'heure actuelle, on est dans le laboratoire en train de se poser sérieusement des questions sur est-ce qu'on continue avec nos drogues à la con ou est-ce qu'on on commence à se mettre à l'heure du jour et faire du CRISPR. Le problème avec le CRISPR, c'est qu'on a toujours cette limite de devoir introduire le système dans les cellules cibles. Et ça, ça reste compliqué en fonction des organismes. Donc, ce n'est pas gagné systématiquement. Voilà, il y a des difficultés techniques même pour la recherche fondamentale. Notamment, il faut avoir une bestiole qu'on peut élever en laboratoire parce que si... Voilà, on ne peut pas faire ça sur n'importe quelle espèce. Mais il faut monter dans le train, là. Il y a la hype et il faut sauter dedans parce que ça va être ça. Ou pas, hein, parce que si ça passe de mode. Et non, mais oui, je vois très bien. Je faisais exprès pour réagir. Et en parlant là-dessus, pour faire réagir, on profite juste d'une minute là-dessus, même si on est à la bourre. En maître de stage, Pierre? Non, il était cool. Il était cool. T'as plus aucun risque, là. Donc, il a dit juste qu'il était cool, quand même. Le mec, je lui ai permis d'écrire sur mon propre blog. À moi, personnellement, juste, moi-même. À moi, mon propre blog. Il me dit juste, tu étais cool. Réaction. J'ai quand même bossé pour ton blog. Ça t'a fait... Ça t'a fait du boulot, attends. Bref, bon, on passe au plug, vous avez autre chose à raconter? Moi, je suis du côté du stagiaire, hein, je le soutiens. On passe au plug. Le principal plug et même exclusif plug, c'est que le 27 juin prochain, en espérant que cette émission soit publiée avant, mais je n'en doute même pas, Podcast Science sort du placard à l'occasion de la Marche des Fiertés, aussi plus connue sous le nom de la Gay Pride. Donc ce sera l'occasion de faire le tour de ce que la science a à dire sur la question de l'homosexualité. Alors ça se passera à la Paillasse, qui est dans le 12e arrondissement de Paris, au 226 rue Saint-Denis. C'est un bio-hackerspace, donc un lieu très sympa, même si c'est très sympa à venir au-delà même de notre émission. Donc l'émission démarrera à 17h30. C'est Alan et Xavier qui organisent, donc autant dire qu'on va pas rigoler avec la précision suisse du début de l'horaire. On attend à partir de 17h donc pour un début à 17h30 et puisque vous voulez savoir de quoi on va parler, chaque membre de podcast, qu'est-ce qui... Attendez. ça va être coupé au montage, tiens. Ok, vous savez que chaque membre de Podcast Science se fait greffer un puce espion lors de son introduction, non? Bon, ben maintenant vous le savez. Donc nous avons récupéré la boîte noire des puces de Billy et Pierre en pleine réunion de préparation de leur dossier de cette soirée radio dessinée. Voilà ce que ça donne. Attention. Alors ce qui pourrait être marrant, c'était bien ce que t'as fait comme phrase de conclusion, genre un trou est un trou. Ouais. Mais justement, un trou est un trou, ça ne s'adapte pas justement à une bactérie ou ça ne s'adapte pas à un virus. Donc ce serait bien qu'on fasse justement du plus anthropocentrique, un trou est un trou, jusqu'au plus, justement, ce qui représente véritablement le sexe d'un point de vue évolutif, c'est-à-dire un gène. comment tu fais ça? Parce qu'un trou est un trou, ça laisse peu de, tu vois, peu de place à l'argumentation et au développement derrière, quand même, tu vois. Attends, je réfléchis. Parce qu'il faut qu'on fasse un trou est un trou jusqu'à un sexe est un gène est un gène. Tout trou est bon à prendre dans le salon. Et tout gène est bon à échanger. Ouais, c'est bien ça. Tout trou. Tout trou. Et c'est qui l'a prononcé cette phrase? Est bon à prendre. Parce que tout trou, déjà, c'est super difficile à prononcer dans tout le... Trou. Tout trou. Tout trou est bon à prendre. Ça me fait penser à du trou, moi. Et tout gène. Et tout gène est bon. À échanger. À échanger. Enfin, ah oui, et c'est bien. C'est vrai, parce que c'est pas vrai au final, parce qu'un un truc... Et où il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. Voilà, voilà. Bref. C'est pas simple. C'est pas clair. T'as plus de micro, Pierre. Sur ce, venez nombreux donc le 27 juin à 17h à la paillasse. On va apprendre plein de trucs en s'amusant. Il y aura même des choses sérieuses. Hein. Enfin, c'est de la science, hein, même si on s'amuse, quoi. Il y aura nos amis de Strip Science pour faire des dessins géniaux, comme toujours. Et si vous vous inscrivez à temps, on ira tous manger ensemble après. Bref, c'est la soirée radio dessinée. C'est un peu la soirée radio dessinée de la saison aussi. Ça va être très sympa. Ça va être une émission très longue, mais plein de choses hyper passionnantes sur l'homosexualité. Vous pouvez déjà rejoindre l'événement Facebook ou Google+, et venir nous suivre sur Twitter avec le hashtag PS sort du placard. Alors faites attention, des fois il y a des tweets qui sortent qui ne sont pas d'une véracité absolue. Il faut attendre 5-10 minutes que Alan ou moi tombe dessus pour qu'on les corrige. Mais en tout cas, il y a plein de petites annonces sur l'homosexualité qui sont assez intéressantes. Et vous pouvez acheter le t-shirt de l'événement illustré par notre fameux, fabuleux Pouillot. Donc voilà, faites-vous plaisir. Et voilà, voilà, pour donc le 27 juin à 17h à la paillasse. Et je passe la parole à Johan pour la conclusion. On va finir avec les chips, pardon. CRISPR. On va finir avec cette longue émission. Si vous voulez partager cette magnifique discussion de Billy et Topo, ou si vous vous rendez compte que la CRISPR est une technologie flippante sur laquelle peut-être... on devrait commencer à légiférer ou se poser des questions. Si cet épisode vous a plu, je vous en prie, partagez, notez et faites-nous connaître. Passez une bonne soirée. Salut. Oui, ouais, attends, ça va. Billy, elle fait une bonne remarque par mail. Elle demande, les autres, elles ont eu du champagne. Que se passe-t-il? Quoi? Il y a eu plusieurs versions. Il y a eu vin blanc, il y a eu champagne, il y a eu bière. L'accueil change. Ça n'a rien à voir avec la science, en fait, cette émission. C'est juste une excuse pour venir picoler. C'est bien. Bon, c'est quoi ce bordel? Ouais. Alan, je veux ta peau. Voilà, c'était dur. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruitage au montage, hein, parce qu'entre les bières, etc. Oh, mais ça va, putain, c'est décontracté. C'était hyper intéressant. Non, j'ai fait mon mea culpa sur la science contemporaine, parce que mine de rien, on a souvent eu des exemples comme ça où on se rendrait compte que c'est une grosse connerie. Après, c'est comme tu dis, il y a non, non, mais prouvé. Zinc finger nucléase et Thalène, c'est exactement le cas. Les cellules induites pluripotentes, ouais, merci. C'est exactement le cas aussi, c'est-à-dire ce sont des technologies où on s'est dit « Ah putain, ça va être de la bombe de balles, etc. » Et au final, il y avait une limite technique insurmontable. Là, honnêtement, on part aussi du constat qu'on a vu ces limites très très très récemment. Donc, la première chose qui a été faite pour CRISPR, c'était de vérifier si ces limites étaient joignables. Et pour l'instant, la seule limite, c'est la spécificité. Et le pouvoir de CRISPR, c'est que tu peux modifier cette spécificité en utilisant deux systèmes CRISPR simultanés pour pouvoir augmenter la spécificité. Et là, c'est juste, c'est terrifiant. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand vous disiez que les gens ont arrêté de publier des... Enfin, les gens ont mis une limite à la publication d'articles, parce qu'on ne pouvait pas publier n'importe quoi, il fallait qu'on fasse une suffisamment grosse avancée. Pour... Alors, c'est un non-dit, hein. C'est-à-dire que si tu postes maintenant, à l'heure actuelle, un article et que tu veux le faire publier dans Nature, etc., si tu n'inclus pas telle ou telle technique, en effet, il y a peu de chances que tu passes. Mais ça, je pense que c'est le cas pour pratiquement tous les domaines de la science. Mais c'est parce qu'au début, la première planète exoplanète qu'on l'a trouvée, voilà, et les 3 ou 4 premières années, à chaque fois que tu trouvais une planète, tu l'as publiée. Pareil pour les séquençages des génomes. Maintenant, si tu n'en mets pas 20, voilà, tu n'as pas d'article. Voilà, c'est ça. Voilà. Et si tu veux tout savoir, en fait, c'est pareil en maths, quoi. C'est-à-dire qu'en maths, t'as des publis... Enfin, c'est pas le même niveau des publis, celles qui vont permettre de publier la méthode qui va permettre de faire un nouveau truc, et celles qui vont juste appliquer une méthode, certes, en trouvant les bons paramètres pour des trucs, mais qui vont juste appliquer une méthode qui du coup, maintenant, existe déjà, quoi. Donc je crois que c'est l'apanage de toutes les sciences, et c'est un peu obligatoire, parce qu'au bout d'un moment... Il y a tellement de gens qui ont essayé toujours les mêmes articles, ouais, ça sert à rien. Tu suis ton domaine, il évolue avec la technologie. Et ça veut pas dire que les standards sont de plus en plus élevés. En fait, ce qui est amusant, et ce dont on n'en avait pas assez parlé, c'est la précédente méthode qui faisait grosso modo un truc un peu du genre de CRISPR. Comment elle était rentrée dans les sciences et est-ce qu'elle avait eu le même côté très rapide et très... Alors pour moi, l'analogie qu'on peut faire entre CRISPR et une autre technologie, c'est la PCR. Ouais. Et la PCR, elle est... PCR. La PCR, c'est la réaction... Polymerase chain reaction. La réaction de polymérase en chaîne, c'est-à-dire la possibilité de prendre des molécules qui te permettent d'isoler et amplifier un gène. N'importe quoi, n'importe quand, comme n'importe comment. Un morceau d'ADN. Un morceau d'ADN. Peu importe si c'est un gène ou pas. Et ça a eu le même impact hyper rapide. Alors, ça a eu un impact très très fort. Il a fallu attendre quelques petites innovations techniques pour que ça se mette en place. Donc c'est un petit peu plus lent que maintenant. Mais une fois que ça a été mis en place, il n'y a pas un laboratoire de bio qui n'a pas une machine à PCR. Qui n'a pas une machine à PCR. Ce n'est pas possible de le faire. Non, il n'y a pas un labo de bio où il n'y a pas une PCR qui est faite tous les jours. Ok, ok. Fantastique. Bon, les amis de la chatroom, on va vous couper compagnie parce qu'on est physiquement au même endroit, c'est rare, et on va en profiter un peu. Parce qu'on est quoi ? On est physiquement au même endroit, autour de la même table. Ah, j'ai entendu physiquement maladroit, je vais mettre ta mère. Non, on est physiquement au même endroit, autour de la même table. Je tâcherai de faire des bonus, je pense que l'émission va être longue, mais ça s'avère passionnant en parlant de bio, c'est incroyable. La bise à tout le monde, merci d'être resté. De toute façon, il ne reste plus que 10 personnes, et vu qu'on est 4 autour de cette table, on a doublé le Julie plus Roba. Voilà, plein de bises, et à la semaine prochaine. Ah, on a oublié de faire on a oublié de parler de la semaine prochaine, en fait. C'est quoi la semaine prochaine? Ah, on a oublié le... Mais non, c'est le... C'est quoi le teaser de la semaine prochaine? C'est dans 2 semaines. Et... Tu veux faire un teaser de la semaine prochaine? Johan, donc le teaser de la semaine prochaine. Je sais pas du tout. Je vais aller voir l'agenda. J'arrive. Ça, c'est hyper intéressant votre histoire. Mais à la médecine, moi, je suis en train de. Enfin, en fait, je m'intéresse. Déjà, ne résume pas notre activité à la médecine. Non, ouais, non. En fait, je mets. La médecine, c'est pas une science. Moi, je viens des maths. Donc, je mets 3 trucs un peu dans le même monde. Dans le sens où c'est des choses où je pense qu'il y a beaucoup d'avancées énormissimes à faire juste en se mettant au niveau de l'approche technique, technologique, surtout au niveau ordinateur, etc. C'est chimie, médecine et biologie. Où, je trouve que par rapport à d'autres sciences comme la physique ou les maths appliquées, il y a beaucoup moins de... Ah, l'ordinateur est moins rentré dedans et l'informatique est moins rentrée dedans. En physique ? Non, la physique oui, mais pas biochimie et médecine. Je trouve que biochimie et médecine sont un peu en retard au niveau utilisation des techniques. C'est un festival. Attends, je me plante. 17, 21, techniquement, SICOM, Angela. Très clairement. Okay, là, c'est un festival la semaine prochaine. Ce que je t'ai fait un teaser ? C'est quoi ? Je te fais un teaser. Attends, pour... faire un teaser, après on râle. Donc, ouais. John, petit teaser micro. Pour la semaine prochaine. Tu veux La semaine prochaine. Il en reste plus, hein. Okay. La semaine prochaine, c'est une émission freestyle, c'est-à-dire qu'on va revenir sur les commentaires et qu'on a eu et les questions qu'on a eues sur nos anciens épisodes. Et nous aurons comme invité Antoine Blanchard, le président du Café des Sciences, qui est toujours président. Non, il n'est plus président en fait. Oui, il est plus président. Il est trésorier et responsable de toutes les tâches à la con que Alan, personne ne veut faire. Président. Ah oui, c'est vrai. Et par contre, Antoine avait été élu responsable de toutes les tâches à la con que personne ne veut faire, c'est ça. Il aime bien effacer Alan parce que c'est l'ancien président de Café des Sciences. C'est qui Alan déjà? Sur ce, plein de bises, à la semaine prochaine et je coupe le live à force de dire des conneries. Ciao. C'est une émission chouette.